Bonsoir, pour finir cette saison en beauté, nous recevons à nouveau le détenteur du record absolu du nombre d'écoutes sur notre émission, Jean-Philippe Puzan, pour aborder un sujet a priori surprenant, astrophysique et musique. Nous sommes le mardi 5 juillet 2016 et c'est l'épisode 267. Bonsoir et bienvenue. Donc aujourd'hui une grande table physique puisque donc nous sommes quatre avec Nico. Salut. Qui n'a pas de micro mais donc qui nous fait bonjour. Moi-même donc qui suis devenu depuis les États-Unis pour alors cette ça, semaine. Alors ça c'est hyper impoli de se présenter en premier, Johan. Ça se fait pas du tout. Ouais, ça se fait pas mais en même temps il est venu depuis Baltimore pour rencontrer Jean-Philippe parce que c'est son plus grand fan. Bon d'accord, ok. Robin. Voilà, bonsoir. Et enfin, notre invité, Jean-Philippe Puzan. Bonsoir. Et donc, Irène, qui depuis la Californie, que vous avez déjà entendu. Qui, elle, n'a pas fait le déplacement. Voilà. Donc, ce soir, c'est une émission un peu comme la dernière de la dernière, c'est-à-dire interview slash dossier. On va faire quelques relances par question, mais normalement, ça va être... Globalement, on laisse Jean-Philippe parler. Globalement, on laisse Jean-Philippe. Et se retrouver un type qui est capable de parler tout seul. Ça dure largement assez longtemps quand on le laisse parler. Voilà. Et puis, on va enchaîner sur vos questions parce qu'il y a du monde ce soir dans la chatroom. Et voilà. Et ben, c'est parti. Et on va finir par une quote. Et ce sera tout. Ça sera les vacances. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'on commence par l'extrait de musique ? Donc, Jean-Philippe avait préparé un extrait de musique. Qui dure 12 minutes. Bon, on va pas écouter les 12 minutes, mais il y a un moment, tu t'arrêtes quand tu penses que... Hein. Quand tu veux, tu peux commencer à parler. Ah, merci. Bonsoir à tous. Donc, c'était un petit extrait. C'est le début d'une pièce qui s'appelle Protonic Games, donc les jeux de proton, qui a été composé par Fabien Waxman, donc, qui est un compositeur français, un jeune compositeur français qui travaille au Conservatoire de Paris. C'est un prof d'écriture et qui est un de mes amis avec qui j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc on va vous parler un peu, quoi, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait, de projets qu'on a fait avec des étudiants et puis aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc c'est un petit peu ça. Comme c'est les vacances et que j'ai beaucoup travaillé toute la journée, donc c'est beaucoup d'improvisation, voilà. Et l'idée, c'est de partager des choses que j'aime. Donc il y a de la science, il y a de l'astrophysique, il y a un peu de maths, et il y a surtout beaucoup de musique, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans ma vie. Donc voilà, on va parler de choses, c'est en gros comment on fait rentrer en collision plein de choses qui n'ont rien à voir ensemble et qu'on arrive à justifier aux gens que c'est bien de les mettre ensemble, d'accord ? Donc on va essayer de faire ça et puis voilà. Donc je sais pas comment on commence. Je sais pas si vous avez rien du tout, d'accord. Bah, a priori, juste de dire que tu vas regrouper toutes ces choses là, ça fait déjà la question, quoi. C'est voilà, comment c'est la tu question. Regroupes lancé par une mathématiques question et musique. On a déjà fait un épisode. Qu'est-ce que tu penses des maths, de la musique, de l'astronomie? Mathématiques et musique. On a déjà fait un épisode. Ça peut éventuellement lancer astrophysique et musique à vue de nez. À part les anciens illuminés qui voyaient l'harmonie des qui entendaient l'harmonie des sphères. Je vois pas bien. Voilà, on va parler de l'harmonie des sphères. Donc peut-être je vais vous expliquer un peu comment les choses se sont faites, parce qu'en général, dans ce genre de choses, bien sûr, moi j'aime la musique depuis tout petit, hein, j'en fais beaucoup. La science, la physique, l'astrophysique aussi, c'est un peu mon métier. Mais c'est pas pour ça qu'on fait les deux en même temps. Et là, il y a eu des hasards de l'histoire de la vie, en fait, qui font qu'on fait des rencontres et qu'il y a des choses qui se mettent en place qu'on n'avait pas prévues. Et ça, c'est un peu l'histoire. Donc ça a commencé, je crois que c'est 2009, où j'avais été invité par la Fondation 93, donc qui organise pas mal d'activités dans les... dans des écoles élémentaires dans le 93 pour faire une série d'interventions avec un compositeur qui s'appelle Eddy Ladoire autour de science et art. Donc il y avait à chaque fois un scientifique et puis un artiste. Les artistes, il y avait des gens qui faisaient de la BD, il y avait des peintres, il y avait des comédiens, il y avait un musicien, un compositeur. Et donc, quand la Fondation 93 m'a invité, je leur ai dit, moi, je préférais travailler avec un compositeur parce que c'est ce qui m'intéresse. Et puis, je ne comprends pas grand-chose à l'écriture de la musique contemporaine. Donc, comme ça, au moins, ça me forcera à apprendre des choses. Parce que dans ce genre de projet, on donne pas mal de temps, mais c'est aussi bien de s'enrichir à des choses qu'on aime et puis de rencontrer des gens avec qui peut-être on peut faire des choses. Et donc, on a développé un projet donc, autour de science et musique, astrophysique et musique. Et donc, on a commencé avec des enfants d'une classe de CM2 à 18. On voit les étoiles, c'est de la lumière, la différence entre la lumière, le son, donc il y a des similarités, il y a des différences. Et puis les différences entre l'art pictural et la musique, on ne les perçoit pas de la même façon. Et puis ce projet se développe et un jour comme ça en discutant et en plaisantant, je discute avec Eddy, je lui dis mais c'est quand même bizarre parce que si l'humanité n'avait pas été née, toute l'humanité était aveugle, quelle représentation nous ferions-nous de l'univers ? Et en fait, en posant cette question, ça a complètement orienté le projet parce qu'en fait, on a réalisé que en faisant cette expérience de pensée de l'astronome aveugle, on pouvait avoir une réflexion très profonde déjà sur la notion de réalité et surtout sur la notion de ce que nous, on se représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la perception que j'ai du monde extérieur, je l'ai à travers mes sens. Ces sens sont des objets de mesure qui sont limités. On a 5 sens. Je vois certaines couleurs. Donc, en gros, je vois 1 octave avec mes yeux. Et puis, avec mes oreilles, c'est plutôt 10 octaves. Dans l'espace, c'est le vide. Donc, bien sûr, le son ne se propage pas. Tout ce que je sais de l'univers, je le sais principalement par la lumière. Bon, il y a aussi quelques particules comme les neutrinos. Et voilà, j'allais venir aux ondes gravitationnelles. Mais je ne voulais pas en parler tout de suite des ondes gravitationnelles. Et en fait, on est limité dans l'appréhension du monde que l'on a extérieur. À partir de ce que l'on mesure, on va faire une représentation du monde physique et de l'univers. Il se trouve qu'avec les développements des progrès scientifiques, on a réussi à faire des prothèses de nos sens. On arrive à voir dans des couleurs que nous ne voyons pas, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X. On arrive à voir des petites distances avec des microscopes de plus en plus fins, avec les accélérateurs de particules. On arrive aussi à voir plus loin avec des télescopes. Bon, bref, on a enrichi tous nos sens et on se rend compte qu'à chaque fois, on découvre une réalité qui est autre que celle que nous avions représentée alors qu'on avait un accès limité au monde. En particulier... On va peut-être faire une petite pause sur le spectre électromagnétique qui est le... Vas-y, je te laisse faire ça. Donc, c'est bien. L'ensemble de tout, donc les photons qui nous arrivent ont différentes énergies et en fait, la partie qui nous est accessible à l'œil humain est extrêmement réduite et depuis le 19e siècle, enfin peut-être même avant le 19e siècle, on a commencé à étendre, on s'est aperçu qu'il y avait des photons ultraviolets, infrarouges, etc. On a étendu et donc maintenant on a accès à une grosse partie du spectre électromagnétique grâce à nos instruments et l'univers n'a pas du tout les mêmes objets et les mêmes couleurs et les mêmes zones d'intérêt en fonction des longueurs d'onde auxquelles on observe, des énergies auxquelles on observe. Voilà, exactement, parce que chaque type de photon, chaque type d'énergie correspond à des processus physiques différents et donc en regardant dans différentes couleurs, on révèle des processus physiques qui sont dominants dans certaines couleurs et qui ne le sont pas dans d'autres, et donc des images complémentaires du phénomène. Donc ça enrichit notre notion de la réalité, et on se rend compte que à chaque fois, elle nous surprend, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais comme on avait prévu qu'elle est. C'est-à-dire que des choses toutes bêtes, par exemple, si je prends j'ai une table ici, je la touche avec mes doigts, cette table est lisse, elle est dure. Je la regarde au microscope électronique, c'est complètement rugueux, c'est surtout du vide et pas du plein. Et donc, l'image, la représentation qu'on va faire à partir de ces objets de mesure, ces extensions de nos sens, nous révèle une réalité qui est différente de la réalité manifeste. Et ça, c'est intéressant, surtout quand on travaille avec des enfants, parce que ça montre la grande limite de la diffusion des connaissances. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des gens qui n'ont finalement pas assez de connaissances. On doit s'exprimer avec des mots qui sont chargés de sens et qui sont liés finalement à cette vision manifeste que l'on a du monde, puisque le langage s'est développé au cours de l'évolution de l'humanité de cette humanité qui interagissait avec le monde à son échelle. Et donc, on n'a pas eu le temps de développer vraiment des mots, des concepts qui se sont diffusés. Peut-être que dans plusieurs siècles, les gens parleront quantique comme aujourd'hui nous parlons, je sais pas, comme l'autre parle football. Ou quoi que football, c'est compliqué, on n'y comprend rien du tout. Mais bref. Il y a des exemples, évidemment, de notions complexes comme ça qui sont passées, je pense, aux probabilités où c'est... dans une très petite mesure, mais il y a quand même du vocabulaire et des notions qui sont passées dans le langage courant. Exactement, mais donc ça, c'est une des grandes des missions de la vulgarisation, autre de parler de la connaissance, c'est de parler, de bien faire comprendre les mots et de se rendre compte que parfois, eh bien, il y a des choses qui peuvent paraître contradictoires ou absurdes si on donne aux mots leur sens premier et qu'on oublie qu'il y a un nouveau sens qui se rajoute au sens préexistant. Donc quand on travaillait avec des enfants, c'était intéressant parce que ça nous permettait de questionner en fait presque tout. Donc c'est parti comme ça. Et donc tu parlais ensuite des ondes gravitationnelles, et ça c'est merveilleux parce que les ondes gravitationnelles, ça correspond à un sens que nous n'avons pas. Voilà, nous n'avons pas des bras assez grands pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, nous étions jusqu'à il y a 6 mois, nous étions aveugles en ondes gravitationnelles. Et là, on vient d'ouvrir un nouveau sens. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, on peut retrouver cette expérience de l'astronome aveugle en se disant que voilà, on est en train de découvrir un nouvel univers en ondes gravitationnelles. Et peut-être qu'on va découvrir encore des phénomènes qui nous ont échappé avec l'observation électromagnétique du monde. Alors, la question a peut-être très peu d'intérêt, mais avec les ondes gravitationnelles, on a beaucoup parlé d'écouter l'univers alors qu'avant, on faisait que le regarder. Justement, est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on regarde les ondes gravitationnelles ou est-ce que ça a peu d'intérêt comme question ? Et moi, je dirais qu'il faudrait un nouveau mot. Et moi, j'écoute avec mes oreilles et puis je vois avec mes yeux, parce que c'est le sens premier. Après, on peut prendre le sens voir au sens général, c'est-à-dire interagir avec le monde extérieur. Dans ce cas-là, on voit les ondes gravitationnelles. Tout ce qu'on a entendu à la télé, les gens ont fait écouter le signal d'onde gravitationnelle, ça c'est une transposition. C'est-à-dire qu'on a amené un signal qui n'est pas dans le domaine électromagnétique, dans le domaine électromagnétique. Ce qui est exactement le cas de ce qui se passe quand on écoute la radio. C'est-à-dire quand vous écoutez la radio, en tous les cas la radio hertzienne, il y a un présentateur qui parle, donc c'est vraiment du son, des vibrations de pression de la bouche jusqu'au micro. C'est transformé en signaux électriques. Ces signaux électriques sont transformés en ondes qui se propagent jusqu'au récepteur. Et là, on les transforme de nouveau en ondes de pression au niveau de la radio qui viennent dans votre oreille. Donc en fait, entre l'émission et la réception, il y a toute une phase où cette onde ne se propage pas sous forme d'onde de pression, donc sous forme de son. Elle se propage sous forme d'onde électromagnétique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est-à-dire que, bien sûr, dans l'univers, c'est vide, mais si je suis capable de transformer des ondes électromagnétiques, d'utiliser le coup de la radio, donc des ondes de pression qui ont eu lieu dans les étoiles, dans l'univers primordial, auxquelles je n'ai accès que par des détections électromagnétiques, j'ai le droit, c'est tout à fait légitime, puisqu'on écoute la radio, de les retransformer de nouveau en son. Donc ça, c'est bien sûr, ça va être une des règles du jeu que l'on va se donner. On voit la radio, en fait, finalement. Voilà, on voit la radio, donc en ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est un petit peu les liens qu'on a ensuite creusés avec ces enfants. Et il s'est trouvé, suite à ça, qu'on dit beaucoup de bêtises et parfois on se fait piéger. Et donc, en discutant avec la Fondation 93, on a raconté cette histoire de l'astronome aveugle qui écoutait l'univers et qui transformait tout en son pour comprendre et qui essayait de se faire une représentation du monde. Et donc, ils nous ont dit « composez-le ». Et là, après, on était piégés parce qu'ils ont proposé de nous associer à un plasticien qui a créé une cabine d'écoute. Donc, c'était avec du son spatialisé et tout ça. Donc, il y avait de l'argent qui a été investi pour ce genre pour la création de l'objet. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus reculer parce qu'on a une idée tordue. On fait le fier. Et puis, à partir du moment où on vous dit, faites-le, il faut travailler. Donc, on a travaillé presque pendant un an avec Eddy Ladoire pour créer une pièce qui s'appelle Vostok. Et qui avait été créé, si mon souvenir est bon, en 2010, pas loin d'ici, à la Cité des Sciences, où il était resté pendant 3 mois. Et ensuite, bon, qui a vécu un petit peu sa vie. Elle était à la Nuit Blanche, je crois, en 2011. Et qui était finalement... on était immergé à l'intérieur d'une cabine dans laquelle il y avait une composition qui durait, je crois, 23 minutes à peu près. Et qui était une sorte de balade dans la galaxie de quelqu'un qui serait aveugle et qui aurait utilisé cette technique de transformer tous les signaux qu'il pouvait capter en sons et qui essayait de se représenter l'univers. Donc ça, c'était un petit peu le projet qu'on a fait, et c'est de la musique électroacoustique. Non, je voulais juste préciser, mais je crois que tu l'as fait, hein, c'est que quand tu dis une pièce, c'est vraiment une pièce comme une salle, c'est pas du tout une pièce de théâtre ou... Ah non, quand je dis c'est une pièce de musique, je parle d'une pièce de musique. D'accord. Mais la cabine, c'est une cabine qui est pas très grande, on pouvait rentrer à 6 à l'intérieur. D'accord. qui était une cabine en métal. et il y avait 6 haut-parleurs, il y avait un caisson de basse, donc le sol pouvait vibrer, et donc on avait des sons qui pouvaient tourner, on pouvait avoir des, par exemple un trou noir qui se forme sous vos pieds, donc là on sentait le son qui se focalisait sous vos pieds, et donc on a joué avec ces choses-là, parce qu'en fait, outre le fait d'entendre la musique, comme on était dans une pièce en métal, on ressentait aussi physiquement certaines vibrations, et en particulier les basses fréquences, donc il y avait vraiment quelque chose de très riche. Et donc au cours de ce travail, j'ai commencé à lire, comme toujours, donc on commence à faire, et puis on lit après. Souvent on devrait commencer par lire, mais ça c'est pour les gens sérieux. Et donc on découvre qu'il y a plein de gens qui ont écrit sur les relations entre la science et la vie, et finalement que depuis l'Antiquité ce truc-là existe. Et donc c'est là où j'ai commencé à collecter plein de choses, et je peux vous raconter des histoires, quoi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte que la distinction que nous on fait aujourd'hui entre science et musique, c'est pas la distinction qu'on faisait à l'Antiquité, au Moyen-Âge, et que ça pose aussi une question sur qu'est-ce que c'est que de faire de la science, qu'est-ce que c'est une discipline scientifique. Tu peux rappeler le nom de la pièce et Alors la pièce s'appelle Vostok. Elle a été composée avec Eddie Ladoire. On peut peut-être mettre si tu mets un lien sur ma joie, il y a quelque chose. Il doit y avoir une description du projet. Je ne sais pas si on peut l'écouter, mais voilà, on peut. Sinon, sur ta page. Hein. Ouais. Alors comme souvent, on a tous grandi plus ou moins dans le beau système français, tout ça. Donc on apprend à faire des belles rédactions. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez plus jeune, quand on veut commencer un truc, la bonne façon de commencer pour que le prof soit content, c'est de commencer par une bonne vieille citation grecque ou latine, quoi. Parce que là, ça justifie tout, d'accord. Le mieux, c'est quand même de commencer par Platon. Ouais, c'est d'accord. Place. Si tu commences par Platon et Platon l'a dit, alors là, tu peux comment dérouler. Et donc, il se trouve que j'ai trouvé la bonne citation de Platon. D'accord. Donc, c'est dans La République. Et il dit un truc, il dit la chose suivante, il dit « Il semble que comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été de même pour le mouvement harmonique. Et que ces sciences sont sœurs, comme le disent les pythagoriciens, et comme nous l'admettons avec eux. » Donc voilà, il nous dit en gros les oreilles, les yeux, l'astronomie, alors les mouvements harmoniques, il faudra qu'on réfléchisse ce que c'est que les mouvements harmoniques parce que c'est pas clair. Et donc c'est des sciences sœurs, donc c'est la même chose, hein, c'est les sœurs. Et puis en plus on nous donne tout le plan de la disserte, c'est-à-dire les pythagoriciens, donc il faut aller voir les pythagoriciens, il faut comprendre ce que c'est que ces mouvements harmoniques, et puis quel lien avec l'astronomie, et puis une fois qu'on est là, on va dérouler, et puis on va pouvoir trouver aussi que cette tradition qui commence finalement à Pythagore, peut-être avant, mais en tous les cas qui est documenté à partir de, ou disons qui est transformé sous forme de légende à partir de Pythagore, elle va traverser toute l'histoire de la pensée jusqu'à aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on a encore des compositeurs qui se raccrochent à ce genre de tradition. Donc ça veut dire que c'est une façon d'aborder à la fois la science et la musique sous un angle différent, et puis de découvrir des morceaux qu'on n'écouterait peut-être pas autrement. Donc voilà, on peut commencer doucement. Alors Pythagore, on va pas faire un cours sur Pythagore peut-être, hein. Donc tu nous as rappelé le spectre et le magiomaditique, donc rappelle-nous. On va laisser Robin parler de Pythagore, le mathématicien. Je peux rappeler que j'ai fait un épisode entier sur maths et musique, comme ça peut donner l'occasion à Jean-Philippe de souffler. J'ai passé une heure à expliquer des choses, dont Pythagore, pas uniquement. Et disons que je pense que les trucs essentiels à rappeler pour être dans le propos, c'est que Pythagore a cherché à faire une relation entre les notes qui vont bien ensemble, pour résumer, et des rapports de nombres simples. En gros, c'est ça le résumé. Ouais, c'est ça. Donc pour la musique, on va. Pour la musique. Voilà. Non, mais Pythagore, donc il nous a tous. Voilà, c'est. Il y a les. Je vais pas rappeler. Voilà. Pythagore, ça fait son œuvre. Voilà, partout. On n'en est pas là. De toute façon, le truc que je dis à chaque fois, parce que j'ai entendu des historiens des sciences homologués, tout ça, le dire, donc je me sens autorisé à le dire, c'est qu'on n'est même pas certain qu'il a existé, quoi. Donc c'est une vaste blague. Voilà, c'est ça. Et donc même. Et son théorème, c'est une blague, c'était connu 1000 ans avant, etc., etc. Donc. D'accord. Donc c'est exactement ça. Donc il y a Pythagore, la légende, l'icône, et puis il y a peut-être l'homme, on ne sait pas grand-chose. Et puis sur les choses qui peuvent. Alors par exemple, tu parlais du théorème, savoir s'il l'a vrai, quoi. Voilà, est-ce que c'était connu avant? Est-ce que c'est une légende? Il y a des trucs marrants. Par exemple, on dit que c'était une sorte d'ascète, hein, qu'il offrait en général aux dieux des gâteaux de miel, de l'encens, des chants, tout ça. Et puis alors il y a un truc c'est dans la vie d'Apollonius, on dit un truc assez extraordinaire, donc qu'après la découverte du fameux théorème, donc qui porte son nom, on a dit que Pythagore immola une hécatombe. D'accord, parce qu'il a découvert le carré. Et donc on imagine le type, d'accord, qui offre des gâteaux de miel et de l'encens aux dieux. Il découvre un théorème et là, hop, il oxy sans bœuf comme ça. Juste pour arroser et ça. Et donc voilà, pour arroser ça. Donc Donc voilà, comme disait souvent, il ne faut pas toujours chercher la logique dans ces histoires-là, mais c'est bien les légendes parce que c'est aussi ça qui nous fait vivre. On aime bien les légendes, on aime bien les icônes. Et l'autre ça... légende, c'est quand même qu'il a tué quelqu'un pour avoir prouvé que Racine de 2 était irrationnel. Voilà, Racine de 2. Ça va quand même jusque-là. Exactement. Donc la légende auquel tu fais référence, on en trouve plein de traces dans des livres de l'histoire. Il y a par exemple dans un bouquin qui s'appelle La Théoria Musicae de Gaffoyau, c'est 1492, il y a une très belle gravure où on voit Pythagore et on le voit, donc il y a quatre images, il y en a une, il est là en train de regarder des forgerons qui tapent sur des enclumes avec des marteaux. Et donc on raconte qu'il se baladait, qu'il serait passé près des forges et qu'il aurait compris qu'il aurait même demandé aux forgerons d'échanger leurs marteaux parce qu'il voulait vérifier que ça ne dépendait pas de la force du forgeron, mais de la taille du marteau. Donc vraiment déjà une démarche expérimentale très très poussée. Hein. On veut essayer de supprimer les effets systématiques. Et puis qu'il serait rentré chez lui. Et ensuite, on voit Pythagore avec son pote Philolaos. Et donc, il y a des trucs où on voit Pythagore taper sur des verres plus ou moins remplis. Puis on voit, il y a marqué 4, 6, 8, 9, ainsi de suite, sur les verres qui sont plus ou moins remplis. Ils tapent sur des cloches. Ils ont des monocornes avec qui grattent, donc des cordes plus ou moins tendues. Et ils ont des flûtes, et puis il en tient une, il y a 9 et 12. Ah ouais, 9 et 12, ça doit être la carte. Il y a voilà, une gravure en direct sur la carte. Voilà, celui-là. Bah, c'est exactement, c'est celle-là, d'accord. Et puis là, on voit qu'il y a marqué... Donc en fait, c'est génial parce que quand on regarde cette figure, on pourrait en discuter pendant des heures. Mais déjà, Pythagore, il n'est pas écrit partout pareil. Donc ça prouve qu'on n'est pas sûr que ce soit toujours le même. Pythagoras, c'est ça, d'accord. Donc, moi, je ne suis pas un pro en grec, mais je ne sais pas s'il y a une raison pour ça. Et puis là, on voit, il y a marqué c'est Jubal, c'est Jubal. Donc c'est la personne qui aurait finalement dans la Bible... amener la musique aux humains. Donc on voit que quelque part, tout ça, c'est vraiment un truc mythique. Et il y a une citation que je trouve très belle d'Arthur Koestler, quand il parle de cet événement, je crois que c'est dans Les Somnambules, il dit « Pythagore a transformé le bruit en information ». Ce qui est assez joli, parce que c'est vrai qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des sons, il s'est rendu compte qu'il y avait des sons qui allaient bien ensemble, il a essayé, à partir de cette observation qui est un petit peu au hasard, de se dire, bah, finalement, comment je peux l'expliquer, est-ce qu'il y a une théorie derrière, et puis de formaliser, et de trouver qu'en fait, les accords, qu'on va dire harmonieux, sont reliés à des fractions qui sont des fractions simples. Donc, pour la faire courte, en fait, si on prend une corde, elle vibre avec une certaine fréquence, si je prends la même corde, que je la pince exactement au milieu, elle va vibrer avec une fréquence double et on va l'entendre à l'octave. C'est vrai que si on fait l'octave, c'est deux notes qui vont très très bien ensemble. Et ensuite, il va remarquer que si je la pince... alors, aux deux tiers, je vais obtenir une quinte. Aux trois quarts, je vais obtenir une quarte. Et puis après, on remarque, mais ça, c'est des mathématiques très profondes, que trois quarts fois deux tiers, ça fait un demi. Donc, en gros, vous prenez d'abord une quinte et après une quarte et ça fait un octave. Et donc, on se rend compte que, quelque part, il y a une arithmétique derrière ces choses-là. Et donc, ça va lancer un petit peu cette idée qu'il y a une relation très profonde entre arithmétique et puis des accords harmonieux. Donc, ces rapports qui sont en plus 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. Donc, finalement, des nombres qui sont très particuliers. On va commencer à leur donner une valeur. Et il y a toute cette légende chez les pythagoriciens où le nombre va prendre finalement la place centrale. Et on va dire, tout est nombre, en fait. C'est-à-dire que toute chose compréhensible va pouvoir s'expliquer à partir de nombres simples, à partir de fractions formées de ces nombres simples. Donc, ça, c'est vraiment ça, la philosophie qui va se mettre en place, si on veut le faire très, très court. Et finalement, en fait, ils ont trouvé dans la musique, il y a eu trouvé cette perfection des rationnels qui très vite a été entachée dans le monde réel par les irrationnels. En fait. Exactement. Ouais, je vais y venir parce que c'est vachement beau. C'est vachement beau. Mais c'est super beau. Donc une fois qu'on a ça, on peut se dire, est-ce que je peux utiliser cette technique pour définir les notes de la gamme? Et il y a tout, alors on sait pas, est-ce que c'est Pythagore, l'ancien, on n'en sait rien, mais on part d'une note et puis à chaque fois on va faire un cycle des quintes et on va égrener toutes les notes. Et la question c'est de savoir, si je prends une quinte, je prends une quinte, alors bien sûr elles sont de plus en plus aiguës, quand c'est trop aigu on peut doubler la longueur de la corde pour descendre d'un octave. Une octave. Une octave. Ouais, une octave, c'est bon. Mais il n'y a personne qui écoute là, c'est ça? Vous êtes fatigant. Les gens qui sont fatigués, qui ont travaillé toute la journée, faire passer des examens, ils savent plus ce qu'ils disent, ils font des fautes d'accord et tout ça. Oui, mais c'est vrai. Donc, si tout le monde se trompe, c'est peut-être la règle. Changeons la note. Bon, Et donc, on alterne des quintes et des octaves, et puis on se pose la question de savoir est-ce que ça boucle au bout d'un moment, est-ce qu'on retombe sur nos pieds. Et alors, quand vous êtes à l'école de musique, on vous apprend le cycle des quintes, et on vous dit il y a 12 notes. D'accord, il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis il y a les dièses et les bémols qui vous font cet ensemble de 12 notes différentes. Et la question de savoir, c'est, et là c'est peut-être le truc de mathématiques le plus profond, est-ce que c'est possible de caler un certain nombre de quintes dans un certain nombre d'octaves? En gros, c'est ça l'équation qu'on doit résoudre. Et il est clair, cette équation qui est 3,5 à une certaine puissance égale 2 à une certaine puissance. D'accord. Donc là, typiquement, c'est 12 quintes dans cette octave. Donc est-ce que 3,5 puissance 12 est égal à 2 puissance 7? D'accord. C'est une question que je vous pose. Et il est clair qu'on peut la voir aussi comme 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. Et là, on se rend compte que ça veut dire qu'un nombre impair est égal à un nombre pair. Donc ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. Et la raison pour ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, le si dièse, on appelle ça do. Et que finalement, le si dièse, il est différent de do. Donc la dernière quinte, elle est un petit peu. Elle n'a pas la bonne taille, un petit peu trop courte. C'est ce qu'on va appeler en musique la quinte du loup. Alors il la pète la quinte du loup parce que c'est. Apparemment, les musiciens disent qu'elle est un peu hurlante. Et moi, souvent, ce que j'aime bien penser, donc tu parlais du racine de 2, du fait qu'il aurait fait. Quoi, voilà, que quelqu'un serait mort à cause de cette découverte de la racine du carré de côté 1. Mais finalement, moi, je dis qu'en fait, la quinte du loup, c'est le cri d'horreur parce que tu te rends compte que les nombres irrationnels existent dans le domaine sensoriel aussi et dans la vraie vie. Oui, que ça. Voilà, c'est un peu la racine carrée de. Il y en a un des deux où tu vois là, une racine carrée et l'autre tu l'entends. Voilà. Donc voilà. Alors bon, là, on a vu qu'on a construit une gamme et les gens sont. Dans la théorie de la musique, les gens vont beaucoup travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une branche de la musique et des mathématiques qui vont savoir comment est-ce qu'on fait pour définir une gamme qui est jouable. Parce qu'à cause de cette quinte qui est trop courte, donc on a des cartes qui sont justes, on a des quintes qui sont justes, on a l'octave qui est juste. Et puis après, on a cette dernière quinte. Et il se trouve que si on commence à moduler, par exemple, à changer de tonalité, eh bien, cette quinte du loup, elle va se balader et il va y avoir un problème avec la façon dont on définit la gamme. Et ça va lancer une tradition, alors là, qui est énorme. On va avoir des gens comme Galilée Père, par exemple, qui va s'y intéresser, puisqu'il était luthier, compositeur. Il aurait influencé son fils. On pourra peut-être en reparler. Il y a un grand débat chez les historiens. J'ai lu des trucs sur le père de Galilée qui sont. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, donc on mettra plein de guillemets, tout ça. Mais. Donc, il y a eu toute cette tradition d'essayer de construire des gammes et ça a intéressé pas mal de musiciens, pas mal de mathématiciens. Alors c'est marrant parce que les plus enthousiastes ne sont pas tout le temps les mathématiciens, c'est souvent les musiciens. J'avais lu des trucs hallucinants. Donc des débats, par exemple, il y a Rameau qui est super enthousiaste, comme quoi on va pouvoir construire les gammes à partir des mathématiques et tout ça. Et puis on a D'Alembert qui lui dit oui, mais bon, tout ça c'est un peu illusoire, hein, d'accord, ça n'a rien à voir avec le plaisir que la musique que nous apporte. Et donc ça, il y a toute une grande tradition. Et alors la première idée, c'est de se dire, bah, finalement, on ne s'arrête pas à 12, on continue à itérer les quintes jusqu'à trouver une gamme plus précise. Alors on a construit des gammes à 31 notes, des gammes à 53 notes. En fait, on peut même en construire une avec moins de notes. On peut construire une gamme avec 5 notes, c'est la gamme pentatonique, qui a cette sonorité un peu chinoise et tout ça, qui est asiatique, qui est utilisée pas mal en jazz aussi, donc on n'est pas nécessairement d'avoir une gamme plus précise. Mais là, de toute façon, on se rend vite compte que si on commence à avoir 53 notes ou plus pour avoir une précision plus grande sur le cycle des notes, premièrement, ça devient un peu injouable, parce qu'il faut imaginer un piano où entre les deux dos, il y a 53 notes ou 31 notes. Il y a des orgues qui ont été construits sur ce modèle-là. Et puis, il faut les nommer, il faut apprendre la théorie de la musique. Alors déjà, avec 12 notes, on a du mal. Alors 53 notes, vous imaginez les examens de solfège, c'est fini, quoi. Donc, c'était pas très pratique. Et donc, les gens se sont dit, bah oui... Avec l'évolution aussi de la musique, du dialogue musical, de la façon de composer, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'avoir des tierces, par exemple, qui étaient justes, de pouvoir transposer plus facilement avec l'introduction de la polyphonie. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des instruments qui puissent transposer, qu'on puisse avoir plus de richesse. Et donc, il y a une volonté de faire évoluer cette gamme. Donc d'abord, il y a eu une gamme dans laquelle on a introduit une tierce, la tierce juste. Et puis ensuite, les développements ont mené vers une gamme complètement horrible, qui est celle qu'on appelle la gamme bien tempérée. On s'est dit, bah, finalement, on va couper ça en 12 morceaux de même longueur. Et donc, c'est là où on va avoir ce racine de 2 qui va explicitement apparaître. Comme ça, au moins, tout est faux. Comme ça, tout est faux. Mais c'est tellement peu faux, accord par, quoi, note par note, qu'en fait, on ne l'entend plus. Et c'est un peu le... C'est un peu le donc, en fait, cette gamme-là dont tu parles, c'est une gamme dont l'écart entre les notes serait de toute façon irrationnel à chaque fois. Chaque ton, voilà. Chaque ce qui fait qu'à la fin, si on a fait les 12, on est retombé sur nos pieds. C'est ça. D'accord. Alors, quand ça a été introduit, il y avait plein de musiciens qui n'étaient pas contents parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des quartes et des quintes justes. Alors, on dit que les gens qui ont l'oreille absolue, les violonistes, ça les... Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille absolue. En fait, j'étais assez surpris parce que j'ai moi-même pas une oreille si sensible que ça. Je veux dire, c'est pas mon métier du tout, la musique. Mais quand j'ai travaillé là-dessus, et que du coup j'ai écouté énormément de quintes justes, j'ai fait la gamme de Pythagore, tout ça, j'ai beaucoup écouté tout ça, et quand tu écoutes à la suite une quinte juste, quand tu te l'es bien mise dans l'oreille et que juste après tu mets une quinte tempérée, c'est pas beau, c'est beaucoup moins bien, ça marche beaucoup moins bien. Et surtout, si tu les joues ensemble, tu vas avoir des battements. Parce que c'est exactement ça. Donc... Je précise juste avant que tu continues, parce que je trouve que c'est très intéressant, mais je trouve que, et c'est très bien que tu le réexpliques à ta manière, mais pour les gens qui trouvent ça très très compliqué, j'ai fait ce que Jean-Philippe vient d'expliquer en 5-10 minutes en une heure d'émission. Donc je réinsiste, l'émission Math et Musique. C'est le 176. Voilà. 176 de Podcast Science. Voilà. C'est pas du tout pour critiquer, c'est juste non, que je pense raison, que ça va très vite pour les gens qui connaissent très, pas la très musique. Vite là-dessus, bien sûr, il y a toute une tradition. Mais c'est très bien parce que je veux dire, comme ça a déjà été fait, autant que tu t'occupes aussi d'autres choses en plus. Mais je, voilà. Et surtout, ce qui est important, plus bon, c'est vrai qu'il y a la technique de cette construction, de ces accords, mais c'est aussi de voir qu'il y a plein de penseurs qui vont s'y intéresser et que il va y avoir beaucoup d'activités. Même aujourd'hui, il y a encore des gens qui travaillent sur l'arithmétique des gammes. On voit encore des publications à ce sujet-là. Donc voilà, donc ça, c'est une voie. Et alors. Comme je disais tout à l'heure, pour ces penseurs, tout était nombre et donc tout doit s'expliquer par les nombres. Et c'est là qu'on va un petit peu glisser, on va dire, parce que ça arrive souvent en science, vous trouvez des coïncidences. Alors on ne sait jamais si une coïncidence est une vraie coïncidence ou si elle vaut quelque chose sur la nature. Et bien sûr, il fallait. Donc on expliquait le son à partir des fractions, mais d'un autre côté, on observait aussi le ciel et on avait les périodicités des astres errants, ce qu'on va appeler les planètes, et il fallait comprendre leur mouvement. Et donc là, il y a eu un saut qui a donné naissance à cette tradition auquel tu faisais allusion tout à l'heure, qui est l'harmonie du cosmos. Cette harmonie du cosmos qui est une relation entre un phénomène physique qui va être le son, sa formulation mathématique, le nombre, révélé par une expérience qui est celle de la corde vibrante et qu'on va étendre au mouvement des étoiles. D'accord ? Et c'est là où on commence à rentrer dans l'astrophysique et la cosmologie, c'est que déjà, il y a le mot cosmos. Alors, j'ai souvent dit dans des conférences, et on m'a repris que le mot cosmos était le plus beau mot de la langue française, jusqu'on me dise, mais c'est un mot grec. Tu as raison, tout le monde avait raison, bien sûr. Et le mot cosmos, alors, c'est un mot que tout le monde connaît. Mais je trouve que c'est intéressant quand même si on rappelle un tout petit peu les différents sens du mot cosmos. Donc on pense bien sûr à cosmos versus chaos, donc ordre par rapport à désordre. On pense à cosmos en tant qu'univers. Pourquoi est-ce qu'on appelle déjà l'univers cosmos? Pourquoi est-ce que c'est ce mot-là qu'on a choisi? Ça, c'est encore un héritage, dit-on, de Pythagore, puisque il a tout fait. Donc cosmos, c'est le mot, donc ça donne aussi cosmétique, donc beauté. Donc là, je parle sous l'autorité d'une de mes amies qui est prof de grec à la Sorbonne. Donc si j'ai dit des conneries, vous vous plaignez à la Sorbonne directement, que ça serait le nom des bijoux des femmes grecques, donc leur parure, et que selon Pythagore, l'émotion qu'il avait en regardant le ciel étoilé était le même que l'émotion qu'il avait en regardant une femme qui avait ses beaux bijoux. Voilà. Donc d'où le fait qu'on utilise le même mot, la même racine pour cosmétique et pour cosmologie, ou cosmonaute. Alors on m'a dit qu'il y avait un troisième sens, mais je n'en parlerai pas. C'est pas grave. Et pourquoi? Attends, mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie, c'est tout. peut-être plus tard, quoi qu'il en soit. Dire pas une heure de grande écoute. Mais on sait qu'il y a des gens qui t'écoutent dans leur voiture pendant que les enfants dorment. C'est pas toujours politiquement correct, mais c'est pas très grave. Alors, donc y a ce mot et il y a le mot qui est harmonie. D'accord ? Donc là aussi, c'est un mot qu'on retrouve dans plein de choses. En maths, on parle de fonctions harmoniques, on parle d'harmonie en musique, et là, on parle d'harmonie du cosmos, ou même si quelqu'un est harmonieux. Donc il y a quelque chose de bon rapport qui est à l'intérieur de ce mot. Et moi, ça m'a intéressé de savoir en fait ce qu'il voulait. J'ai un peu recherché l'origine de ce mot Harmony, où est-ce qu'on le retrouvait? Parce qu'en fait, dans les textes, on le retrouve à plusieurs endroits. Il y a, dans, comment ça s'appelle? Alors ça y est, maintenant j'ai un trou avec les noms des gens. Donc dans l'Iliade déjà, et puis dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée... Homère. Ouais, c'est Homère, c'est ça. C'est le copain de Pythagore, ils sont aussi fantomatiques. C'est ça. Ils existent tous les deux. Non, mais ce soir, c'est une émission sur les fantômes, en fait. C'est ça, je pense que vous n'avez pas compris. Et donc, il utilise le mot harmoniser quand Ulysse construit son radeau. Donc, il a des rondins de bois et il les attache ensemble. Et quand il attache les rondins ensemble, voilà, c'est harmoniser. Donc il est fait tenir ensemble. Mais moi j'aime bien ce que j'aime bien moi quand je lis l'Iliade et l'Odyssée, c'est qu'il y a souvent des adjectifs oui d'ordre ou de. Enfin il y a une. Quand il voit de l'eau, c'est de la belle eau. Quand il voit un bateau, c'est un bateau ordonné. Il y a une idée de beauté de ce qui. Enfin de. On remarque la beauté toujours de. Moi ça me plaît aussi dans Homère ça. Ouais, on remarque toujours la beauté, non? Bon. Mais on la fait pas forcément remarquer. C'est ça. Et puis le deuxième endroit où il utilise le mot, c'est dans l'Iliade, c'est au moment où il y a Hector et Achille, là, ils vont se battre, et Hector propose à Achille un accord, il utilise le mot harmonie, donc trouver un accord, trouver une entente avant leur combat. Et puis en fait, dans plein d'endroits, on trouve cette idée que harmoniser, c'est mettre ensemble. Et donc, en fait, on va naître cette image de cet univers avec ces planètes qui, peut-être, émettraient des sons, et que ce qui tient l'univers ordonné, c'est finalement cette harmonie. C'est quelque chose qu'on rajoute, qui permet de tenir les choses ensemble, et que l'univers doit être harmonisé pour que le cosmos continue à exister. Donc, il y a un petit peu cette image qui va se développer, et surtout l'idée d'imaginer le cosmos. Donc, ce qu'on appelle cosmos à l'époque, c'est vraiment le système solaire, aujourd'hui, et donc que chaque planète pourrait être vue de façon onirique au moins comme les cordes d'une lyre et qui joue de la musique. Donc il va y avoir tous des développements autour de cette harmonique du cosmos. On retrouve ça alors là chez des milliers d'auteurs quoi. Il y a voilà, si vous lisez le Timée de Platon, il va s'enthousiasmer, il va reprendre ça. Aristote va dire ouais bon c'est vrai mais tout ça c'est onirique. Cicéron le reprend par exemple dans le Songe de Scipion, il fait tout des développements sur le sujet. Et puis les gens, il y a des débats mais sans fin, de savoir est-ce que les planètes font de la musique, comment émettent des sons, comment est-ce qu'elles émettent ces sons, pourquoi est-ce qu'on les entend pas, est-ce que c'est vrai que le maître, c'est-à-dire Pythagore, lui les entendait alors que nous ne les entendons pas. Et je vous en passe et je vous en passe. Ouais, c'était Chuck Norris quoi. Et c'est ça exactement. Mais c'est génial parce que quand on reprend ces textes, mais c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux parce que c'est une preuve d'imagination qui est grandissante. Et donc il y a cette musique qui est là. Et comme elle est reliée finalement à la théorie des nombres, des fractions, elle va avoir un statut de théorie scientifique. Et à l'époque où donc cette tradition va être transmise au monde latin, en particulier par Boétius, et il va formaliser en fait ce qu'on va appeler le quadrium, c'est-à-dire l'enseignement des disciplines scientifiques. Et donc dans ces disciplines, il va y avoir l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et en fait, toute personne jusque finalement la fin du Moyen-Âge qui apprend la science, quoi, qui fait des études de science, apprend ces quatre disciplines. Et c'est ce que Platon appelle dans le Timée, en fait, les quatre mathémata, donc les choses qui sont dignes d'être apprises. Et ça va donc fonder le socle de toute l'éducation. D'ailleurs, il utilise aussi le mot rythmé comme synonyme d'éduquer. D'accord. Donc voilà, tout ça, on voit que quelque part, c'est intime en fait. C'est pas juste une analogie, c'est vraiment intime, c'est très profond. Et en fait, la vision dont c'est conceptualisé dans ce quadrion, dans cet enseignement, c'est qu'on a les mathématiques. On a deux types de mathématiques, les mathématiques discrètes et les mathématiques continues. Et dans les discrètes, il y a les mathématiques discrètes et absolues. C'est l'arithmétique. L'arithmétique, exactement. Les mathématiques discrètes et relatives. La musique. Exact, 2 sur 2. Les mathématiques continues et statiques. Continue et statique, la géométrie. Et continue et dynamique. Dynamique, l'astronomie. Voilà. Yes. Voilà, donc, je connaissais pas. Je promets, je connaissais pas. Donc voilà, c'est assez logique. Et donc ça fait beaucoup penser à du Kant. C'est du Kant avant l'heure, non? Je me souviens plus bien de Kant, mais il y a des trucs comme ça. Mais cette volonté de classer tout, là, ça ressemble à un truc de matheux, ça. Tout est mathématique avec des petites variations. C'est ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire que, en fait, tout penseur du Moyen-Âge connaissait les quatre disciplines. Et donc, on a des, quand on lit Kepler, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, Kepler, il y a un moment, il fait des, voilà, il va avoir, dans l'harmonie du monde, il va avoir des trucs sur les polyèdres réguliers, sur le mouvement des planètes. » Et puis, à la fin, ça finit par l'harmonie des orbites planétaires. Et donc, les gens disent « C'est un peu ésotérique. » Mais en fait, pour moi, je n'ai pas l'impression que ça soit ésotérique. C'est-à-dire que ça s'est vu d'aujourd'hui avec une vision très contemporaine de la division entre ce qu'est la science et la musique, mais qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas cette distinction, ne se faisait pas. C'est-à-dire que pour eux, ça faisait partie du. Puis je trouve que ça rejoint complètement ce que tu disais sur qu'est-ce que la science, tout ça. Et finalement, on recherche des modèles, on recherche des régularités. J'avais aussi parlé de Kepler dans un autre cadre, mais enfin, un podcast science. Je trouve que c'est une histoire hyper intéressante parce que finalement, on cherche à rattacher ce qu'on observe à des modèles simples qu'on connaît. Donc finalement, aller chercher les 5 polyèdres réguliers pour ce qui est de décrire la matière autour de nous, manque de peau, ils n'avaient que 4 éléments, mais ils ont quand même essayé. Ou avec les planètes, là ça tombait bien, ça collait bien avec le nombre de planètes qu'on connaissait. C'est relativement naturel et finalement assez proche de ce que la science continue à faire, même si c'est avec d'autres modèles que ce qu'on le fait. Mais voilà. Je crois qu'il y a quand même un truc différent aussi, c'est qu'à l'époque, ils ne pensaient pas que c'était un modèle, ils pensaient que le monde était mathématique, non? Je ne sais pas. Alors que maintenant, on pense trouver une approximation, un modèle mathématique. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont dans la science qui sont quand même assez convaincus que ce qu'ils racontent... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de scientifiques... Je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont du mal à faire la distinction entre ce qu'ils racontent et la réalité, quand même. Je ne sais pas, c'est toi qui es le plus dedans, Jean-Philippe, tu peux nous en parler. Non, mais il y a un moment, il y a un choix philosophique à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu observes que le monde se décrit en termes mathématiques de façon... très précise et très efficace, et que tu as des lois qui parfois dépassent la compréhension que tu as des phénomènes, que à partir du moment où tu as formulé des théories mathématiques, tu vas découvrir des choses sur la réalité qui t'échappaient, tu peux légitimement te poser la question de la vraie nature de la réalité. Et moi, je pense, alors bon, ça dépasse le truc de ce soir, mais qu'on peut défendre de façon assez sérieuse le fait qu'on est vraiment platonicien au sens profond du terme. Et donc d'après ça, enfin, je sais que ce n'est pas le sujet, mais comme c'est un sujet qui me passionne, d'après toi, ça voudrait dire qu'on pourrait d'une certaine manière un jour atteindre le modèle du monde? Eh bien, je ne pense pas non plus. Je pense que ce n'est pas incompatible. Donc là, je ne vais pas en parler maintenant. Ah d'accord, ok. Donc c'est l'année prochaine. On reviendra. Juillet prochain. Pour ceux qui s'intéressent, il doit y avoir quelque part sur YouTube une conférence que j'avais faite au Festival de Florence. J'en profite pour faire de la pub. Donc cette année, Festival de Florence, du 6 au 12 août, dans le Gers. Mais oui, t'en avais déjà parlé l'année dernière. Mais oui, parce que c'est quand même là qu'on va passer une partie du mois d'août. Et donc, on ouvre le 6 avec le Marathon des sciences. Hein, c'est toujours un thème et 12 conférences, midi-minuit sur ce sujet, sur un sujet donné. Cette année, c'est quoi le sujet? C'est ordre et désordre. Et puis ensuite, des tonnes de conférences chaque jour. Et donc, il y a Roger, salut Roger, qui sera là cette année. C'est la première fois qu'il vient. Il y aura nos amis du kangourou qui sont là pour faire des choses. Le kangourou des mathématiques. Le kangourou des mathématiques. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez réussi à passer à côté. C'est un concours qui existe à peu près à tout niveau et dans plein de pays de mathématiques. Donc regardez voilà, sur Festival de Florence, FLEU, hein, c'est pas Florence en Italie, c'est Florence, FLEU, RANCE, dans le Gers, et vous allez trouver, il y a un programme extraordinaire. Donc si vous aimez les sciences voilà, et que vous aimez le melon et le foie gras, alors c'est encore mieux. Dans ce cas-là, c'est exactement l'endroit où vous devez aller pendant cet été. Et donc j'avais fait une conférence, je crois, il y a 2 ou 3 ans sur l'émergence de la complexité, et en particulier sur cette distinction entre... cette question que tu posais entre... Et c'est en ligne. Et c'est en ligne, ouais. Ok, donc, bon, je vais encore perdre une heure ou deux à te regarder, à t'écouter, c'est pénible. Donc voilà, je sais plus où on en était, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc on parlait de Kepler. Et donc on parlait de cette idée que finalement la distinction que nous faisons aujourd'hui entre voilà, maths et musique ou science et musique, elle se faisait pas pour beaucoup de ces penseurs. Et d'ailleurs, on rencontre des gens qui ont des arguments assez hallucinants. Par exemple, il y a un bouquin que j'ai relu récemment, que j'ai lu parce que je le connaissais pas récemment, qui est La théorie du ciel de Nicolas Oresme. Donc on est 150 ans avant Copernic et il se pose la question de savoir de la position de la Terre. Est-ce que la Terre est au centre du système solaire? Est-ce que c'est le Soleil? Et bien sûr, il n'a aucun élément astronomique pour vraiment pouvoir. Il connaît un peu la tradition. Et en fait, il a tout un argument basé sur la musique, en fait, sur la symétrie des gammes musicales par rapport à la gamme qui représente le Soleil. Et il trouve des incohérences. Et en fait, il argumente. Que fort probablement, c'est quand même le Soleil qui est au centre de l'univers. Bien sûr, il n'y a aucune preuve. Et puis, comme il est archevêque, je crois, de Lisieux, un truc comme ça. Bon, à la fin, il ne conclut pas. Mais on voit que... Mais c'est là où on peut revenir. Donc là aussi, les sources ne sont pas claires pour moi et j'ai pas creusé. Mais j'ai lu. Donc le fait que j'ai lu quelque part ne veut pas dire que c'est vrai. Mais j'ai tout juste trouvé l'histoire très très drôle. C'est que on a ensuite le livre donc Copernic avec le système héliocentrique. Et il y a des historiens qui ont cherché où est-ce qu'on avait trouvé des exemplaires de ce bouquin. Il n'y en avait pas tant que ça qui se baladaient dans l'Europe. Hein. C'était pas, il n'y avait pas Internet et tout ça. Et donc une copie aurait été retrouvée, d'accord, dans la bibliothèque de Zarlino. Donc Zarlino qui est un musicien donc qui a travaillé sur le développement des gammes après la gamme de Pythagore et qui était le, je sais pas si on dit le maître ou le professeur de Vincenzo Galilée. Le père du Galilée bis, quoi, Galilée au carré, quoi. Et donc de prénom, voilà, c'est ça, Galilée. Et alors il y a des gens qui spéculent que finalement, on sait que le père Vincenzo était aussi géocentriste, copernicien. Et donc toute la question de savoir est-ce que c'est le fils qui a influencé le père ou le père qui a influencé le fils, on a tous appris à l'école que bah, c'était le fils qui avait plus ou moins voilà, convaincu le père parce que c'était quand même lui qui s'y connaissait en sciences et ça. Mais en fait, le père était versé en théorie de la musique, c'était un luthier. Et donc certaines personnes avancent. Et là encore, je mets 12 millions de guillemets et tout ça. Hein. C'est-à-dire que, allez pas dire que je vous ai dit que c'était comme ça, mais juste que j'ai lu, je trouve très drôle comme hypothèse. 20 000 écoutes de l'épisode. Que, en fait... ça serait passé par le père, c'est-à-dire qu'à partir de ses arguments sur les théories des gammes, le truc de Copernic, il aurait eu des arguments forts sur le géocentrisme et que... L'héliocentrisme, j'ai dit quoi? Ouais, t'as dit géo. Ah ouais, non, là, je me fais renvoyer, là, c'est pour... Bon. Sur l'héliocentrisme. Et donc, oui, on peut se poser la question de savoir dans quel sens l'information a circulé. Je trouve que c'est intéressant. Après, ça, peut-être qu'on n'aura pas de réponse et que, de toute façon, ce n'est pas si important que ça. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu aussi à l'histoire du rapport entre maths et peintres sur la perspective où, finalement, les peintres ont trouvé avant les mathématiciens comment on faisait des perspectives, les histoires de géométrie projective et tout. Finalement, ont été plus ou moins résolus à la main intuitivement par les peintres largement avant, quoi. Exactement. Donc après, c'est tout. C'est la différence entre avoir une intuition et de raconter une histoire cohérente, et puis d'avoir quelque chose qui scientifiquement, voilà, on peut démontrer ou on peut argumenter sur des bases plus sérieuses que c'est vraiment comme ça. Donc c'est aussi ça la différence. Et c'est vrai d'ailleurs dans toute cette discussion entre les sciences ou les arts ou la philosophie ou autre chose, c'est que il faut faire la distinction entre ce qui est de la part de l'intuition, de l'histoire, du modèle que l'on peut construire comme ça, comme une construction intellectuelle, et de la chose que l'on va pouvoir montrer, qui va pouvoir être ensuite démontrée. Et qui a un savoir reproductible et qui va vraiment pouvoir être voilà, passé dans le domaine public comme étant quelque chose d'avéré. Alors toujours bien sûr dans un cadre théorique avec des imprécisions et ainsi de suite. Donc on voit que bon, on va s'arrêter un petit peu là-dessus sur cette histoire-là parce que ça pourrait durer des heures. Je vais quand même juste vous dire que ça a beaucoup inspiré les musiciens. Donc il y a eu énormément de compositions autour de cette harmonie des sphères et en particulier suite à Kepler qui a associé des mélodies à chacune des planètes. Donc la Terre chanterait mi-fa, mi-fa, dit-il. Et c'est normal, hein, parce qu'il nous explique que c'est... c'est famina, pas très joli. Mais si, c'est famina, miseria. Famina, miseria. Mi-fa, mi-fa, c'est quand même très, très répétitif. Oui, mais la Terre... C'est un tout petit écart, c'est pas donc, beau. Donc comment est-ce qu'il a fait... Donc comment est-ce... Mais ouais, c'est ça, c'est une ambulance. Alors la question c'est... Non, parce que mi-fa, mi-fa, c'est pas le même intervalle qu'une ambulance, mais... Mais comment est-ce qu'il a fait... Donc en fait, l'amplitude du motif va dépendre de l'excentricité de l'orbite. D'accord, donc si vous avez un cercle... Attends, oui. Alors voilà. Juste deux secondes, on voilà, explique l'excentricité. Quelqu'un veut parler d'excentricité, comme ça je bois un verre. Je te laisse, tu repartiras sur les maths après. Donc, excentricité de l'orbite. Attention, ce ne sont pas des gros mots. donc en gros, l'orbite, c'est la trajectoire que suit une planète. La trajectoire que suit une planète est approximativement une ellipse. Une ellipse, c'est un cercle regardé plus ou moins de côté. C'est une façon comme une autre de décrire une ellipse. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel cercle autour de vous et en fait, quand vous le voyez, à moins d'être complètement en face, ce que vous voyez, c'est une ellipse. Regardez le bord d'un verre, regardez le bord d'un bol, c'est une ellipse que vous voyez. Évidemment, plus le cercle est penché par rapport à vous, plus l'ellipse est allongée, elle est déformée par rapport au cercle. Et donc l'excentricité, c'est ce qui mesure cette déformation. Plus l'excentricité est élevée, plus l'ellipse est allongée et donc se rapproche plutôt de carrément un segment que d'un cercle. Et plus l'excentricité est faible, plus on est proche d'un cercle. Ouais, c'est bien ça. Merci. Quand tu veux, pour faire ton assistant. Non, c'est super. Et donc, Kepler, il a formulé les lois de Kepler. Ah oui, ça, c'était bien ça. Ça, c'était très bien. C'est clair, ça. Kepler a formulé les lois de Kepler. Hein, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elles disent, ces lois de Kepler ? Elles disent un truc, c'est que il y a un rapport entre la période de l'orbite et la taille de l'orbite. Elles sont pas indépendantes. Donc et la surtout, période, c'est le temps que ça prend de faire un tour. Le temps pour faire un tour et puis la taille du et la tour. Taille. Il y a une relation mathématique entre ces deux-là. Un peu comme entre la longueur de la ficelle et le temps de balancement d'un pendule, en fait. Oui, il y a une relation, ouais, c'est ça. Mais là, il y a une relation, voilà, exactement. Qui ne dépend donc que de la masse de l'étoile, donc pas de la masse de la planète. Alors, en première approximation, n'est-ce pas? Oui. Puisque ça, c'est une question de concours. Il a déjà. S'il y a des gens qui passent pour ceux qui ont fait les études, pour ceux qui ont fait leurs études avant les changements de programme, ils se rappelleront que il faut introduire la particule réduite et étudier le mouvement dans le référentiel barycentrique. Les gars, soyez pas trop entre vous quand même, parce que je vous rappelle bon. Que moi, j'y suis pas passé. Ce qui est important, c'est que si la trajectoire est un cercle, donc c'est ce qu'on appelle une excentricité nulle, on va parcourir l'orbite à vitesse constante. Maintenant, si l'orbite est un peu aplatie, donc en fait, au lieu d'avoir un seul centre comme le cercle, on va avoir deux foyers, dont l'un va être occupé par l'étoile. Et donc, il va y avoir deux positions privilégiées. Il va y avoir le point le plus proche de l'étoile, donc le périhélie, si c'est le plus proche du Soleil, et le plus loin, l'aphélie. Et alors, il a formulé une loi qu'on appelle les lois des airs, c'est-à-dire que l'air de l'orbite balayée en un temps donné est constante, ce qui veut dire que la planète va plus rapidement quand elle est proche du Soleil que quand elle est loin. D'accord ? Et donc, ça veut dire que je peux imaginer mon ellipse et puis localement, je peux mettre des cercles. En fait, un cercle qui aurait la taille du plus grand cercle et du plus petit cercle qui sont parcourus à des vitesses différentes. Et si maintenant, j'associe... la vitesse de parcours de ce cercle a une fréquence, la fréquence auquel je tourne, et bien en fait, autour du mouvement sur une année, je vais passer d'une fréquence basse à une fréquence haute, et je vais faire une oscillation comme ça. Et donc, à partir de l'excentricité, on voit que la taille des deux cercles... Si je suis un cercle, les deux cercles ont exactement la même taille et sont identiques à l'orbite, et plus l'orbite est excentrique, plus je vais avoir des cercles différents. Est-ce que Mange tu veux traduire morceau, ça voilà, j'essaye de traduire un tout petit peu. Donc, non, mais globalement, c'est clair, hein, en fait. C'est vrai, tu trouves ça clair, toi? Ouais, mais toi, t'as fait plein de sciences dans ta vie, toi. On essaye de s'adresser aux gens qui aussi n'ont pas forcément fait de sciences dans leur vie. Et peut-être quand même, il est temps de juste préciser que donc une ellipse, qui est donc un cercle sur lequel on a tapé, qui est un peu aplati, on peut essayer d'y coller le cercle qui ressemble le plus... à l'endroit pointu et le cercle qui ressemble le plus à l'endroit le plus, comment on peut dire, le moins, le plus plat, le moins courbé, pour essayer de s'en approcher le mieux à ces deux endroits. Et donc comme ce que disent les lois de Kepler, si j'ai bien compris, parce que alors ça je suis très très mauvais pour les lois de Kepler, je connais pas, ça dit qu'en gros plus le cercle est grand, plus ça va vite. Non, plus ça va lentement. Plus ça va lentement, pardon, excuse-moi. Non, mais moi, j'y connais rien, hein, donc faut vraiment me surveiller hein, de très près. Donc, plus le cercle est grand, plus ça va lentement, pardon, c'est le contraire. Et donc, en fait, la vitesse correspond à ce cercle qui approche l'ellipse. Et donc, en gros, ça veut dire qu'au cours du parcours de l'ellipse, la vitesse va varier en allant de la vitesse du plus petit cercle qui ressemble le plus à l'ellipse quand elle est pointue à la vitesse du plus grand cercle. Ça te va? Je suis plus sûr de comprendre maintenant. Bon, d'accord. Je m'arrête. Alors bon, là, carrément, vous êtes carrément embrouillé. Hein. Attends, j'avais pas prévu d'expliquer ça et en plus je comprends rien parce que c'est des trucs que je connais pas. Globalement, ça dit juste que la vitesse va varier de plus rapide à quand c'est au bout des ellipses, à certains endroits de l'ellipse, à plus lent. C'est soit. Soyons simples. Si c'est un cercle, si c'est un cercle, ça va à vitesse constante. Si c'est une ellipse, la vitesse elle change, voilà. D'accord. Et comme ça tourne, ça change de façon alternative. Voilà. Et ce qu'il faut dire, quand ça va vite, c'est des notes plus aiguës et quand ça va lentement, c'est des notes plus graves. D'où le mi fa mi fa. Voilà. Donc la Terre qui a une orbite presque circulaire. C'est mi-fa, mi-fa, parce que ça bouge presque pas, voilà. Parce que mi-fa, c'est des notes très proches l'une de l'autre. Et donc ça a été utilisé par plein de gens. Il y a eu des compositions au Moyen-Âge sur ces idées-là. Alors, il y a un truc, j'ai sorti, je t'ai donné le morceau, là. Alors, on ne va pas l'écouter, parce que lui aussi, il fait 23 minutes. C'est Willie Ruff et John Rogers, c'est des jazzmen américains. Et en 2008, ils ont écrit un truc qui s'appelle, une pièce électroacoustique qui s'appelle The Harmony of the World, parce que ça, c'est en anglais, mais ça veut dire l'harmonie du monde. Mercury Outward. Ça veut dire on part de Mercure et on va vers l'extérieur. Donc on va partir de Mercure et donc ils vont utiliser les motifs que Kepler a définis et puis ils vont les balayer avec la période des orbites. Donc plus vous allez loin du Soleil, plus les planètes tournent lentement. D'accord, Pluton. Alors à l'époque, en 2008, Pluton était encore une planète, donc ils vont jusqu'à Pluton. Aujourd'hui, il faut s'arrêter Pluton. Peut-être faut continuer plus loin si la planète X, on ne sait pas, c'est pas encore décidé. Et donc Pluton, qui a une orbite qui doit faire sa période, c'est quoi, 248 ans, si mon souvenir est bon. Et donc ça prend 20 minutes 42 secondes. Et donc ils ont une pièce qui représente 264 ans de l'évolution du système solaire et on entend les planètes les unes après les autres. Donc tu peux nous en faire passer un petit bout puis sauter de temps en temps. Donc vous avez ces sons qui oscillent et ces sons qui oscillent, on imagine, voilà, faut imaginer. Donc ça, c'est Mercure alors, tu dis? Je sais, t'as commencé complètement au début. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'avance du périhélie de Mercure l'année dernière, là, pour le test de la relativité générale. Ouais. Une planète extraordinaire, Mercure. Et alors là, le deuxième son. Alors Vénus, c'est presque, voilà, c'est une note constante parce qu'elle est quasi circulaire. Ah, c'est ça, Vénus. Là, ça change pas. Et donc là, c'est la Terre en troisième, là. Ouais. Ah bah oui, on entend, ça change, mais très peu. Ouais. D'accord. Et après, on va voir Mars qui va rentrer. Donc ça monte et ça descend avec une amplitude différente, mais de façon plus en plus longue, parce que plus on va loin, plus la période de l'orbite est longue. Ouais, Mars, ça change pas des masses non plus. Non. Après Mars. Après Mars, qui c'est qui vient ? Jupiter. Ouais, cool. Bah, je me suis souvenu du moyen mnémotechnique que j'ai appris quand j'avais 7 ans. Oula. Ouais. Et alors, le fait que ça soit plus grave. Ah oui, c'est parce que c'est plus c'est rapide, plus c'est, ouais, plus c'est aigu. Ça. Ça dure longtemps. On peut, mais ça, c'est un truc. Il faut s'allonger, l'écouter dans le noir tranquillement, et puis se laisser planer. Quoi. C'est un truc, c'est bien. Oui, c'est. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est pas grave hein, si vous n'aimez pas. C'est une expérience par mal. Ouais. Voilà, il y a plein de musique qu'on va écouter, vous n'aimez pas, mais c'est pas grave. Ou plein de gens n'aiment pas, mais c'est pas important. Non, moi je trouve ça. Ce qui est bien, c'est que, enfin, c'est bien de savoir ce que c'est quand même, quoi. Voilà. Ça change l'écoute. Exactement, ça change l'écoute. Alors nous, avec Eddie Lador, on s'était amusé, donc on pouvait pas refaire la même chose, d'accord, parce que ça a déjà été fait. Donc on a quand même pris les étoiles, qui orbitent autour du centre galactique. Donc on a le trou noir supermassif, et donc là, elles ont des orbites beaucoup plus elliptiques, et donc ça donne des motifs beaucoup plus riches. Et donc on s'était amusé à faire un petit peu ces choses-là avec les étoiles qui tournent autour de SGR à étoiles. Non, mais ce qui me plaît vachement, c'est que c'est vraiment très, très, très dans ce qu'on fait. C'est pour la radio et ça explique des trucs de science, quoi. La vulgarisation musicale. Alors ouais, avant, dans mon fichier, tu as trouvé Kaamelott. D'accord. Alors Kaamelott, j'adore. Bon, on aime tous Kaamelott, on aime tous Alexandre Astier, que l'on remercie une fois de plus d'avoir fait la voix off du film sur la relativité générale de l'IHP. Donc il a fait la voix off d'un film fait par l'IHP. Oui, le film Einstein et la relativité générale qui avait été diffusé l'année dernière sur... Mince, ça y est, j'ai oublié le nom de cette télévision. Je suis nul. Bref. Et donc, et d'ailleurs, qui sera diffusé au Festival de Florence, dans un cinéma. Et voilà. Donc, d'ailleurs, vous trouvez le trailer et tout ça sur le site de l'Institut. Hein. Donc, juste pour... Ça, c'était pour le remercier parce qu'il nous a fait ça gentiment. Et donc, dans Kaamelott, il y a un épisode qui est extraordinaire. Donc, je vous rappelais la carte, la quinte, la tierce. Et pendant très longtemps, la théorie de la musique, c'était jouer avec ses accords. Et tout autre accord était exclu. Et donc, il a un petit épisode... Je crois que c'est dans la saison 2 que j'ai là. Et vous pouvez le faire écouter parce que c'est merveilleux. Ça va nous faire rire 5 minutes. Donc, c'est une façon tout à fait décalée de voir eh bien, finalement l'évolution de ces théories de la musique. Et puis aussi cette différence entre les gens donc, qui faisaient cette façon de musique, de théorie de la musique. Des gens qu'on appelait des musiciens, mais qui n'étaient en fait que des mathématiciens, parce qu'en fait, ils jouaient jamais, ils composaient pas, et qui donnaient une grande symbolique à ce qui avait le droit d'être utilisé. Et puis, les autres, qui étaient les troubadours, hein, qui faisaient de la musique sans se soucier de la théorie, et qui eux, vraiment jouaient de la musique. Donc, il utilise ça, et je trouve que c'est très drôle. Donc, ça va nous faire 3 minutes là, pour souffler, et on peut vous faire écouter ça. Si je suis près de toi, quand tes yeux je regarde, je m'y perds dans moi. Vous m'avez entendu chanter ? Non. C'est bien l'heure de taper la chansonnette, là. Il n'y a pas d'heure pour chanter. C'est une excellente idée, Père Blaise. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Bohort, une basse, s'il vous plaît. Oh. Oui, parfait. Donc, sire, vous allez chanter la même note que Bohort. Oh. Très bien. C'est ce qu'on appelle un... unisson. Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Oh. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Oh. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Unisson, quarte, quinte, et c'est marre ! Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape ! Et tous les gratte-caisse, là, sur le marché aux bêtes, avec leurs crin-crin pourris, et je te mets de la tierce, de la sixte, mais oh, hein, ils se prennent pour qui ? Moi, ça me bousille les esgourdes, les sixtes. Je suis déjà à moitié sourd. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu? Mais enfin, Père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces? Ça me fait gerber. Sire, faites une tierce. Ah non, non, vous faites une tierce, je me tire. Majeur ou mineur? Mais qu'est-ce que c'est ces conneries, là? Majeur, mineur? Mais c'est pour les dégénérer! Il y a un seul truc de valable. C'est juste, juste, juste, juste, juste, juste, juste, juste. Mineur. Oh. Oh, mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobillé sur la table ronde. Bohort, vous faites une pédale sur diésiré. Diésiré. Voilà, c'est bien. Et là, vous, sire... Non, non, vous, sire, sire, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol. Vous, sire, vous reprenez à la quinte juste. Diésiré. Voilà. Là, c'est propre, c'est harmonieux. Oui, mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte, et c'est joli. Et c'est de la merde. Sire, une petite variation. Oh, mais vous êtes des malades! Je vous préviens que si on met pas le haut, là, tout de suite, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué. Il faut plutôt voir ça comme une évolution. Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout. Sire, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, bon, d'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Sinon, moi, toujours des quartes, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Et j'allais même dire, un petit intervalle diminué de temps en temps. Diminué? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bohort, une pédale? Enfin, je veux dire... Il n'y a pas de mal. Diabolus! Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger, sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Alors ? Ah ben, comme ça, ça passe ! Par contre, elle est chiante, cette chanson, parce qu'elle reste. Bon voilà, ça résume un peu plusieurs siècles d'histoire, mais c'est pas faux, hein. Il est fort. Et surtout, c'est pas faux que ça reste dans la tête. Ça. On verra à la fin de l'émission si on l'a encore dans les oreilles. Bon voilà, donc ça c'est un premier développement qui est assez, c'est un premier fil qu'on peut tisser, on peut vraiment développer longtemps là-dessus. On va peut-être un peu, donc je vous ai dit tout à l'heure. Tout ce qu'on sait de l'univers, presque tout ce que l'on sait de l'univers vient de la lumière que l'on reçoit, des étoiles, des galaxies. Et donc, va se poser la question de la différence et des similarités entre le son et la lumière. D'accord ? Donc ça, on sait que... Alors déjà, il y a une similarité. Les deux, ce sont des ondes. Donc des choses qui se propagent, mais pas des ondes identiques. Donc le son, c'est une onde de pression. Donc c'est la pression d'un gaz qui se propage. Alors que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc une onde dans le champ électromagnétique. Donc le champ magnétique, c'est ce qui fait bouger les boussoles. Le champ électrique, c'est la base de l'électricité. Donc il peut y avoir de ces propagations. Et dans le vide, ce que l'on sait, c'est qu'elle se déplace à une vitesse constante, qu'on appelle d'ailleurs la vitesse de la lumière. Et ça nous donne, donc toutes les ondes électromagnétiques, indépendamment de leur fréquence ou de leur longueur d'onde, vont se propager exactement à la même vitesse. Alors déjà, pour se rendre compte de la différence entre ces deux types d'ondes, d'ailleurs, quand est-ce qu'on a fait la différence entre les deux, quoi, qu'on a commencé à sentir la différence? Est-ce que vous avez une idée un peu de ça? Sonore et... Bon, disons, entre la lumière, déjà, avant, parce que, bon, on va dire, onde électromagnétique avant Maxwell, on peut pas trop en parler, mais entre le fait que il y avait une différence fondamentale entre le son et la lumière. Bah, j'aurais tendance à plutôt me poser la question du jour où on a trouvé des points communs. Mais ouais, ou des points communs. Parce que c'est quand même pas très naturel de rapprocher les deux. On s'est toujours dit que c'était différent. C'était différent jusqu'au... Mais quand est-ce qu'on a commencé à les comparer? Je veux dire, expérimentalement. C'est beaucoup dire quand est-ce qu'on a commencé à les comparer. Mais une expérience emblématique de physique, que je suis sûr que vous faites au Palais de la Découverte, d'ailleurs... Avec les figures d'interférence. Oh non, ça c'est super éduqué. Non, c'est l'expérience où on met une clochette dans une cloche à vide. Et comme on fait le vide, on n'entend plus rien parce que le son n'a plus de gaz pour se propager. C'est ça. Donc ça, c'est Robert Boyle. D'accord. Donc c'est 1600 quelque chose. Mais quand tu dis que vous faites, tu sais, je fais pas. Hein. Non, mais vous avez dû. Ouais, c'est parce que t'es au département de maths, mais il y a des collègues qui font. Il faut quand même un peu être ouvert d'esprit. Et donc, du coup, oui, bah, c'est ça, c'est que la comparaison, il dit, mais par contre, ça le fait avec de la lumière. Par contre, on met une bougie dans du vide, enfin, ça ne marche pas non plus, tu me diras. Voilà, c'est une expérience de collège, mais donc on met une clochette à l'intérieur d'une enceinte dans laquelle on a fait le vide, qui est en verre. Donc, on voit la clochette, on remue le récipient, la clochette, on la voit qu'elle vibre, et on la voit vibrer, mais on ne l'entend pas vibrer. On ouvre, donc on entend pchit, c'est l'air qui rentre à l'intérieur de l'enceinte. Et là, on remue et on voit la clochette vibrer, mais on l'entend aussi sonner. D'accord ? Donc on arrive à la conclusion que le son ne peut pas se propager dans le vide alors que la lumière peut se propager dans le vide. Donc ça, c'est vraiment une expérience très importante parce qu'elle montre vraiment une différence fondamentale entre les sons et la lumière. Alors après, les différences, il y en a plein. Pour ceux qui... tout le monde, vous avez vu l'orage un jour ou l'autre, vous savez qu'on voit l'éclair, on l'entend après, donc elles n'ont pas la même vitesse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut faire la liste de tout ce qui est similaire, et tout ce qui va être similaire, c'est lié finalement au caractère ondulatoire de la lumière, et puis il va y avoir des choses qui vont être différentes parce que la lumière, elle a d'autres propriétés. Donc ça va être intéressant, et en particulier dans la nature, et on pourrait commencer à faire le jeu de construire un nouvel orchestre. Il va y avoir plein de phénomènes physiques déjà sur la Terre que l'on voit et qui produisent des sons. Donc on a le tonnerre, par exemple, on a les dunes. Il y a eu beaucoup de travaux sur le champ des dunes. D'accord. Donc là, on a des tas de sable qui vont rentrer en vibration, qui émettent des sons. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager dans le Grand Nord, ils ont vu des aurores boréales. Donc on les voit, moi j'en ai vu, j'ai jamais entendu le moindre son. Mais, dit-on, et ça c'est les Inuits, pardon, j'allais dire une bêtise, j'allais dire Eskimo, faut pas. C'est les Inuits, il y a des légendes qui racontent que les aurores boréales crépitent. D'accord, et que bon voilà, c'est donc elle s'émettrait du son. Et il y aurait des explications scientifiques à ça. Bah, c'est les aurores boréales, hein, c'est des particules de haute énergie qui circulent le long des lignes de champ magnétique et qui viennent heurter la haute atmosphère. Donc il y a des phénomènes électriques. Est-ce qu'ensuite ça crépite? J'en sais rien. Mais j'ai jamais entendu d'enregistrement de ça. Mais il y a des légendes qui en parlent. Il faut toujours se fier au savoir populaire. Bon, quoi qu'il en soit, donc il y a plein de phénomènes qui vont produire du son et de la lumière, et on pourrait s'amuser déjà à étudier plein de phénomènes de notre environnement simplement avec le son, se dire est-ce qu'on est capable de les reconnaître, de voir est-ce que je reconnais une dune quand c'est une dune qui vibre, ou est-ce que j'ai besoin de voir la dune pour l'identifier. Donc ça c'est un autre fil qu'on peut tisser et qui va nous emmener en fait doucement vers l'astronomie en fait et l'astrophysique et cette question de savoir est-ce qu'on peut voir les sons, est-ce qu'on peut entendre les couleurs finalement, c'est un peu ça la façon dont on pourrait résumer. Alors cette question avant les scientifiques, il y a plein d'artistes qui se les sont posés. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les sons? Est-ce qu'on peut entendre les couleurs? Plus généralement, c'est la synesthésie, non? Alors aujourd'hui, ouais, on identifie ça à la synesthésie. Donc avant de parler de la synesthésie du cerveau, parce qu'il y a des gens qui effectivement entendent des sons quand ils voient des couleurs et le contraire. C'est ça. Ouais. Donc il y a beaucoup de compositeurs en fait qui ont cette caractéristique. Alors ce qu'on sait, il y a des compositeurs par exemple qui étaient des mélomanes et qui ont fait beaucoup de toiles inspirées de la musique, par exemple Paul Klee. Il y a des choses comme les fugues en rouge ou ce genre de choses où il a des peintures qui représentent l'orchestre et on voit, donc c'est vraiment comme des fugues, c'est-à-dire qu'on a des motifs qui se courent les uns après les autres avec des modifications légères de couleurs. Alors vous connaissez tous Fantasia, vous avez vu Fantasia quand vous étiez petit ou même quand vous étiez plus grand. Et donc il y a ce ballet de couleurs à un moment. Alors là, l'histoire est assez intéressante parce que en fait ce processus aurait été inventé par Charles Blangatti, qui était un ingénieur suisse. Et donc il a construit cet instrument qui permet d'associer à chaque instrument une couleur qui dépend de la fréquence qui est jouée, il projetait les couleurs sur l'écran. Et donc on dit qu'en 1938 il aurait rencontré Walt Disney, il lui aurait montré son invention. Il y a eu la guerre et tout ça, et ensuite après il y a Fantasia qui serait sorti, et Blangatti a fait un procès à Walt Disney hein, pour l'utilisation de son idée. Donc après, ça c'est des choses qui aujourd'hui sont courantes. Il y a plein d'écrans, je ne sais pas si vous utilisez sur ordinateur, qui fait ça, quand vous écoutez de la musique, qui font des ballets. Et il est clair qu'à partir du moment où on a des signaux, et qui d'ailleurs sont des signaux numérisés, on peut s'amuser à les représenter aussi bien de façon visuelle que de façon sonore. Alors dans les musiciens, il y en a plein aussi, donc qui sont, comme tu disais, qui étaient synesthètes. Alors un moi que j'adore, c'est Scriabine. Je ne sais pas si vous aimez Scriabine. Je ne connais pas. Il est un compositeur fou. Donc lui, il avait créé un orgue à couleurs. Alors j'adore parce que ça fait très Boris Vian. Donc il y avait le piano cocktail, donc c'est pour ceux qui aiment la musique et l'alcool en même temps. Et puis il y avait l'orgue à musique. Donc il a créé ça au début du XXe siècle. Et il a écrit une pièce qui s'appelle Prométhée, je crois qu'il est en 1908, dans lequel il utilise cet orgue à couleurs. Donc on a des projections de couleurs pendant la représentation. Et il a d'ailleurs associé à chaque note une couleur. Et en fait, si on y pense, la gamme qui passe par tous les demi-tons, on appelle ça une gamme chromatique. Donc en fait, cette notion, elle est déjà là depuis toujours. Dans les autres compositeurs que j'adore, il y a Olivier Messiaen. Et lui a beaucoup composé avec la couleur. Et j'ai une petite citation là d'Olivier Messiaen. Dans un truc qu'il appelle la musique des couleurs, il dit... certaines sonorités sont liées pour moi à certains complexes de couleurs et je l'utilise comme des couleurs, en les juxtaposant et en les mettant en valeur les unes par rapport aux autres, comme un peintre souligne une couleur par sa complémentarité. Donc finalement, il compose vraiment comme un peintre, c'est-à-dire qu'il va utiliser les complémentarités et tout ça. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que, donc comme tu le disais, c'est relié à quelque chose qu'on appelle la synesthésie, donc cette possibilité d'avoir des réactions sensorielles de sens qui a priori sont déconnectés. Et donc ça, c'est très documenté. On dit par exemple que Richard Feynman aurait été synesthète entre les graphèmes et la couleur. Donc il voyait les graphèmes en couleur. Il faut savoir que Richard Feynman, c'est lui qui a inventé les fameux graphes de Feynman, qui sont des techniques avec des pictogrammes pour faire des calculs en théorie des champs, en physique des particules. Beaucoup de compositeurs sont synesthètes, tout ça. Donc c'est... Cela dit, même avant qu'on parle beaucoup de synesthésie, des Kandinsky, des Klee, on fait ça de façon... J'ai l'impression, dans moi, ce que j'en ai entendu dire, c'était une démarche assez scientifique pour faire progresser l'art, entre guillemets, ou un truc comme ça. Enfin, pour faire un art complet, pour faire un art immersif, pour faire un art... C'est ça. Mais c'est la différence entre... C'était une différence d'approche, un peu, je pense. C'est ça. Donc, c'est la différence entre utiliser les deux dans une approche... beaucoup plus globalisante, et le fait d'avoir la capacité, toi, quand tu entends un son, de l'associer à une couleur. D'accord. Et ça, ça, c'est quelque chose que tu ne décides pas, c'est pas une démarche, c'est juste, tu as cette habilité-là. Et ça, aujourd'hui, ça intéresse beaucoup les gens qui travaillent en neurophysique, parce qu'ils essaient de comprendre pourquoi certaines personnes développent cette habilité. Donc il y a des théories, en particulier liées au fait que quand on fait de la musique depuis très très jeune, ça affecte le développement du cerveau. Et donc finalement, tu as une certaine adaptation et que tu vas créer des connexions entre des zones qui a priori sont peu connectées. On avait fait un épisode sur la synesthésie, et d'ailleurs ce qui est assez amusant, c'est que c'est un des épisodes où il y a beaucoup beaucoup de commentaires de gens qui nous font part de leurs témoignages, qui sont synesthètes ou qu'ils ont perdu leur synesthésie ou qu'ils l'ont gagnée. C'est assez intéressant. Alors moi, j'ai une expérience de synesthète assez extraordinaire. Donc en général, les gens, c'est entre le son et la couleur, ou les graphèmes, ou les nombres. Il y a des gens qui voient les nombres en couleur. Alors moi, j'en ai un extraordinaire. J'ai un fils qui est violoniste maintenant, un bon violoniste, un amateur. Et quand il était petit, vers 6-7 ans, et qu'il jouait du violon, souvent, quand il jouait et qu'il était très concentré en jouant son violon, il se léchait les babines comme ça. Et j'ai dit, mais tu peux arrêter ça quand t'es en concert, c'est pas beau de faire comme ça avec ta langue quand tu joues du violon. Il me dit, mais papa, il y a des sons sucrés et des sons salés. J'ai dit, c'est le premier cas de synesthète gourmand musical. Bon, et donc oui, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et donc on peut imaginer que des artistes qui sont vraiment dans leur art, finalement, vont développer en fait une approche sensorielle qu'on n'aurait pas si on n'a pas une pratique instrumentale ou artistique très poussée. Donc voilà, son et couleur. Alors maintenant, on va commencer à parler du ciel un petit peu, d'accord ? Donc il faudrait parler du ciel, d'accord ? Alors en général, quand je dis est-ce qu'on peut parler du ciel en musique ? Moi je dis que quelle est la meilleure œuvre de vulgarisation scientifique musicale ? Est-ce que vous pouvez chercher dans votre mémoire et me dire ce qui vous vient à l'esprit ? Non, listen to this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown ? And things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Tu peux t'arrêter là, je pense. Hein. Ah oui, vous la trouvez sur YouTube, ce truc-là. Donc, c'est les Monty Python, d'accord ? Monty Python, comme c'est Monty Python. Le sens de la vie, si mon souvenir est bon. Et donc, la, c'est Galaxy Song. Et ça, c'est un truc qui a marqué notre jeunesse, parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Et en fait, quand on y pense, tout ce qu'il raconte est exact, exact. Donc, c'est une bonne façon de faire de la vulgarisation. Et donc, tu me disais que Stephen Hawking avait chanté ça. Stephen Hawking aurait chanté ça, j'étais pas au courant. Et reprenant Queen avec tout un truc sur la physique quantique. Ah, j'adore Queen. Non, mais tu connais ce truc-là. Oui, oui, j'ai vu. Tu l'as vu sur la physique quantique. J'ai vu, mais j'adore Queen. Ah. Bon, ne nous éloignons pas, t'étais enfin parti dans le ciel. Non, parce que on va pas commencer à parler de Queen maintenant. Quoi. Non. Et pour Roger, j'adore aussi Neil Young, mais ça, tu le sais. Bon, allez. Donc maintenant, on voudrait aller regarder un peu les objets du ciel et se dire bah, qu'est-ce qu'ils nous donnent en termes de possibilités musicales. Donc la musique, c'est des rythmes, c'est des mélodies, c'est des sons. Donc il va falloir un petit peu chercher tout ça. On peut commencer par le rythme. Comme ça, là, on fait un petit récap sur ce qu'on avait déjà raconté l'année dernière à propos des étoiles à neutrons. Donc, en 1967, à Cambridge, il y a une jeune astronome qui s'appelle Jocelyn Bell, qui elle était étudiante, elle travaillait sur le développement d'un radiotélescope à Cambridge, et elle détecte un signal radio, là je suis à moitié en anglais, un signal radio qui avait avec un pulse de 1,3 secondes, donc tic tic tic tic tic comme ça, et extrêmement régulier. Et donc au départ, elle présente ça à son directeur de thèse, Anthony Hewish, qui pense que bon, ça doit être un problème instrumental ou qu'il faut vérifier. Elle va travailler énormément pour prouver que c'est un vrai signal. Il va y avoir, ce radiotélescope, c'était un des premiers, donc il était tout à fait en construction, donc c'était quelque chose d'expérimental. Quelques mois plus tard, elle va en découvrir un deuxième. Et donc, comme on ne sait pas ce que c'est, donc c'est des objets qui font tic tic tic tic tic, donc qui émettent beaucoup d'énergie, qui tournent très vite, donc qui sont à la fois gros et petit, donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Et c'est tellement régulier que ça ne fait pas phénomène naturel. Et je crois aussi que c'est aussi la première fois qu'il y avait des radiotélescopes avant, mais je crois que c'est la première fois qu'on atteignait des possibilités de fréquences. Exactement, aussi oui. Rapides de régulières. Enfin, avant, on pouvait entendre des phénomènes plus lents, mais ce phénomène-là, c'était la première fois qu'on l'observait. Exactement. De l'ordre de la milliseconde ou quelque chose comme ça. Là, c'était des pulsars. Je crois que la période, c'était une seconde à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, on ne sait pas ce que c'est. Et en général, si vous trouvez quelque chose qui est trop régulier... Et donc, ils ne savaient pas ce que c'est. Et donc, le nom qui leur a été donné, c'était un peu une plaisanterie, c'était LGM1, LGM2, pour Little Green Man. Donc, on s'est dit, un truc hyper régulier, c'est obligatoirement... C'est un peu vous savez ce qu'on appelle l'argument théologique. Si vous trouvez un objet super sophistiqué, l'explication la plus simple, c'est qu'il y a un type super intelligent qui l'a créé, parce que la nature ne peut pas créer... Bon, on connaît tous la pente glissante sur laquelle nous amène ce genre d'argument. Et donc aujourd'hui, on appelle ces trucs des pulsars. Et celui-ci, il s'appelle PSRB 1919+21. Donc c'est beaucoup moins poétique. Et donc ces pulsars, ce qu'on sait, c'est que ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très très rapidement, qui ont un champ magnétique et qui agissent un peu comme un phare, c'est-à-dire qu'un phare électromagnétique. Et quand le beam en fait du champ magnétique croise l'orbite de la Terre, eh bien dans ce cas-là, on va détecter un signal. Et donc ça, aujourd'hui, on en connaît des dizaines, des centaines. Et on reçoit une onde radio, donc avec une antenne radio. Et donc c'est un signal que l'on peut écouter. Donc là, j'en ai enregistrement un. T'as le pulsar de Vela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, donc il s'est formé il y a 12 000 ans, et ça fait 12 000 ans qu'il fait exactement tic-tic-tic-tic comme ça, à 11 coups par seconde. Donc, ça, c'était 11 coups par seconde. Non, pardon, pas 11 coups par seconde, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Non, c'est faux ce que je viens de dire. Il fait 11 tours par seconde, c'est ça, Vela? Mais c'est pas ça, 11 tours par seconde. Là, c'était pas 11 tours non, par seconde, c'est, je pense. Ouais. Là, je sais pas la fréquence, là. C'était 2 ou 3. Oui, 2 ou 3. Et en tout cas, ça fait 12 000 ans qu'il tourne comme ça, donc on peut l'écouter pendant longtemps. Et donc, on a des rythmes. Donc, chaque pulsar va avoir sa signature rythmique particulière. Et on pourrait se dire, on peut les utiliser pour jouer avec un orchestre de percussion. Et ça a été fait. Donc, on peut écouter un morceau. Donc, c'est une pièce qui s'appelle Le Noir de l'Étoile, qui a été écrite par Gérard Griset. C'était à la fin des années 80, je crois 89-90. Et donc, il a écrit une pièce pour Pulsar et les percussionnistes de Strasbourg. Et donc, elle a été créée. Donc, un peu d'organisation pour rassembler tout le monde. Pour rassembler tout le monde. Pulsar, ouais, c'est ça. Donc, on ne sait pas qui paye le voyage. Mais donc, le Pulsar est là via radiotélescope. Alors, il faut savoir que Vela, on ne le voit, si mon souvenir est bon, que de l'hémisphère sud. Donc, il faut des amis dans l'hémisphère sud avec un radiotélescope. Mais après, on peut retransmettre le son. Et donc, si tu veux, on peut écouter un petit morceau du. Donc, c'est 7 grisait le noir de l'étoile. Donc, l'enregistrement n'est pas très bon. J'ai récupéré ça sur internet. Mais donc, on reconnaît le. Et ensuite, vous allez entendre les percussionnistes rentrer les uns après les autres. Voilà, donc après, c'est des œuvres de percussion, mais je trouve que ça, c'est assez intéressant de voir qu'on peut discuter avec un pulsar. Donc voilà, on a des sons. Alors tout à l'heure, on avait dit qu'on pouvait, on utilisait c'est des ondes électromagnétiques, des ondes radio, donc on a utilisé le tour de transformer ces ondes électromagnétiques en sons. Et comme on l'a dit, si on peut le faire pour les ondes électromagnétiques, on a le droit de le faire pour d'autres types d'ondes. Et donc, en particulier, tout à l'heure, on parlait des trous noirs, de la coalescence des trous noirs et de l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc, on peut le faire aussi. Donc là, j'ai quelques simulations numériques de trous noirs, donc de coalescence de trous noirs, donc deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Et donc, ce qui se passe, c'est que les deux trous noirs dans cette danse, en fait, vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc, ils perdent de l'énergie. S'ils perdent de l'énergie, en fait, ils vont se rapprocher l'un de l'autre en tournant de plus en plus vite. Donc on s'attend à avoir un signal qui est périodique, mais avec une fréquence qui va augmenter jusqu'au moment où on va avoir la coalescence des deux objets. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un chirp. C'est une sorte de... Voilà, on va avoir la fréquence qui va augmenter, l'intensité qui va un peu augmenter. Et puis après, les deux trous noirs vont fusionner. Et puis, il va y avoir une phase qu'on appelle une phase de ring-dong. Donc, il va y avoir des petites oscillations très rapides. Et puis, il y a un fameux théorème sur la physique des trous noirs que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Ce qui veut dire, en gros, qu'un trou noir n'est caractérisé que par trois quantités, sa masse, sa charge électrique et son moment angulaire, et qu'il n'y a pas d'autres informations. Donc, à partir du moment où le trou noir qui résulte de la coalescence des deux trous noirs va être formé, eh bien, toute l'information va être rayonnée. Il n'y aura plus rien et on n'entend plus rien. Donc, il faut imaginer qu'après ça disparaît complètement, et ça on peut l'écouter. Donc il y a plusieurs, tu dois avoir deux fichiers, c'est 8, 9, 10 qui sont des simulations numériques avec des trous noirs de différentes masses, et on entend exactement cette histoire. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment la même fréquence en ondes sonores que ce qu'on entendrait si c'était des ondes gravitationnelles, ou c'est... Non, c'est transposé. C'est transposé. Parce que je crois que celle sur les ondes gravitationnelles, c'était une... Alors en fait, la fréquence va dépendre principalement des différentes masses de trous noirs. Donc là, on a... Donc c'est exactement l'histoire que je vous ai racontée. C'est exact, ça tourne de plus en plus vite, d'accord ? Et plus rien, boum ! Et après, on a formé un seul trou noir. Donc ça n'a pas encore été exploité, d'accord ? Et ça va bientôt l'être, puisque donc avec Fabien Waxman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai fait écouter sa musique, c'est lui qui est de composer, c'est surtout lui, moi un tout petit peu avec, je l'aide, mais c'est lui le vrai compositeur. Donc il faut quand même dire qui fait quoi. D'écrire une pièce qui s'appelle Le baiser de la mort, donc qui raconte exactement ça, donc qui est la formation de ces deux trous noirs qui vont se mettre en orbite. Donc parce qu'en fait, c'est une question très actuelle aujourd'hui, c'est en astrophysique, c'est-à-dire à partir du moment où on a détecté qu'on a vu pour la première fois deux trous noirs qui rentraient en coalescence grâce à ce signal d'onde gravitationnelle, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on forme des systèmes binaires de trous noirs. Ces trous noirs ont à peu près une masse chacun de 30 masses solaires. Est-ce que c'est ce qu'on attend? Alors, et ça, ces trous noirs-là, c'est des trous noirs qui viennent de la phase ultime de l'évolution stellaire. Et donc, il faut comprendre pourquoi cette masse-là? Est-ce que c'était le système le plus probable? On en a détecté un deuxième là, il y a quelques semaines. Et donc, on va en détecter de plus en plus, mais on va commencer à avoir une statistique sur finalement la masse des trous noirs stellaires. On peut écouter un deuxième son, peut-être? Ouais, on peut écouter un deuxième son, ouais. Donc là, ça part plus lentement, parce qu'on est plus loin. Et voilà, c'est bon. D'accord. Donc on peut en faire plein et on peut s'amuser à jouer avec. Alors juste pour continuer sur cette pièce, donc qui sera créée au mois de septembre dans un festival de musique qui s'appelle Les Vacances de Monsieur Haydn, qui se passe à La Roche-Posay, je pense le 15-16 septembre. Et donc ça sera un quintet avec piano, donc il y aura pas des musiques, des sons enregistrés ou des sons numériques, ça sera fait instrumentalement tout ça, et on va raconter ces étoiles, l'évolution stellaire, la transformation de ces étoiles en trous noirs. Il y aura probablement un peu des explosions d'étoiles, des choses comme ça, du transfert de masse d'une étoile à l'autre. Donc en fait tous les phénomènes qu'on peut imaginer dans un système binaire et comment est-ce qu'on peut s'amuser à les rendre en son. Et donc ça sera une pièce qu'on espère pouvoir vous faire écouter fin septembre. Voilà, donc là, on a deux exemples. Alors maintenant, on peut se poser la question d'objets qui vivent dans l'univers. Alors, qu'est-ce qui vibre dans l'univers? Qu'est-ce qui vibre dans l'univers? Ah bah, il n'y a rien qui vibre, on est tranquille. C'est trop. Ah bah, en fait, il n'y avait rien. C'est fini. Les ondes gravitationnelles. Ah, on a fini, là, tu n'étais pas là. J'étais pas là. Donc, tu as raté les ondes gravitationnelles. Une étoile aussi. J'ai raté les pulsars, je pense. Très bien, très bien. Les étoiles vibrent. Non, mais tu sais, moi, je suis une bille en astro, tout ça. Ouais, d'accord, mais les billes vibrent aussi, tu vois. En fait, il y a une règle générale en physique, c'est que tout vibre. Donc, on y viendra tout à l'heure, mais tout vibre. Bah, du coup, ta question ne servait à rien, franchement. Exactement, c'était juste comme ça pour... Oui, donc les étoiles vibrent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert à partir de l'observation du Soleil. Et donc, l'étoile, c'est le Soleil, c'est une boule principalement d'hydrogène et d'hélium qui est tenue sous sa force gravitationnelle. Et bien sûr, cette boule de gaz, elle peut être le sujet de vibration. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a production d'énergie au centre de l'étoile à cause des réactions nucléaires. Cette énergie doit être transportée de l'intérieur vers l'extérieur. Et en particulier, il y a de la convection. Donc, il va y avoir des mouvements de matière qui vont qui à l'intérieur de l'étoile. Et en fait, on peut imaginer le Soleil comme un gros tambour. C'est-à-dire qu'à cause de ces mouvements de convection, on va exciter des modes d'oscillation de la matière, puisque là, on a de la matière qui est ionisée, donc des noyaux d'hydrogène, des noyaux d'hélium, des électrons libres. Et puis tout ça est tenu en cohésion par les photons qui interagissent très fortement avec la matière ionisée. Et donc, on va avoir des ondes de pression qui vont se propager. Et c'est tout à fait similaire à des ondes sismiques, en fait, à la surface de la Terre. Bon, je ne sais plus où on en était. On avait parlé de... Voilà, on parlait des trucs qui vibraient et on était dans les étoiles. D'accord, on expliquait que les étoiles vibraient. Et donc, il va y avoir des systèmes d'ondes stationnaires qui vont se développer dans les étoiles. Donc, leur surface va briller... Donc, des modes de vibration. Donc, on peut voir une étoile comme un tambour. Qui vibre, et le son que va émettre l'étoile va dépendre en fait des caractéristiques de l'étoile, de sa composition chimique, de sa masse, s'il y a de la rotation, de la structure interne de l'étoile. Et d'ailleurs, c'est ces techniques-là qui permettent de mieux comprendre la structure interne du Soleil, par exemple. Et donc, on a détecté ces modes, on a appris à les observer aussi pour des étoiles autres que le Soleil, et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'astérosismologie. Et on peut, à partir d'observations en optique, reconstruire la vibration de la surface d'une étoile et donc transformer ces vibrations en son. De la même façon, si vous observiez les vibrations d'un tambour, à partir des vibrations des tambours, essayez de reconstruire le son du tambour. À partir d'un film de tambour sans le son, tu arrives à reconstituer son voilà, son. Voilà, c'est ça. Si tu peux. Ça, on sait vraiment faire ça. Tu vas parler des céphéides quand même. Non, je ne vais pas parler des céphéides, mais on peut parler des céphéides si tu veux. Donc là, tu veux faire écouter deux étoiles? Ça, c'est l'étoile Xi de la constellation de l'Hydre. Que... Ça fait très cœur, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un cœur. Enfin, qui s'emballe un peu quand même. Voilà, donc ça, ça c'est une étoile. Je crois que... Qu'est-ce que j'ai noté sur cette étoile ? Elle est à 130 années-lumière. 60 fois plus brillante que... C'est très accéléré ou c'est vraiment une rythme, non, c'est vibration le rythme. Qui va à peu près à ce rythme. C'est le rythme. Alors, il y en a un autre, c'est juste en dessous, c'est HR3831. C'est une autre étoile, j'en ai trouvé juste comme ça. On avait déjà parlé des... Donc celle-là, elle a un champ magnétique assez intense qui pulse en 11 minutes quelque chose. Ouais, c'est un petit battement. Donc voilà, donc on peut faire des catalogues de choses comme ça. Mais pardon, juste deux secondes. Là, tu nous as dit ces deux étoiles là. Ouais. Les deux résultats sont quand même très différents. Ah oui, c'est mais très différent. Mais t'as transformé les sons de la même façon. Ou t'as fait pas la même façon. Ah oui, la procédure est exactement la même. Elles n'ont pas du tout les mêmes fréquences. D'accord. D'accord. Donc les étoiles, tu sais, il y a des domaines de masse, des domaines de rayons qui sont très très différents. Donc d'accord. Tu vas avoir donc des avec des la même procédure, ça donne des choses aussi différentes. Très que ça. Différent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc ça a été utilisé. Il y a un compositeur français qui s'appelle Paul Samuel Levine qui a écrit. Donc il a sélectionné. Donc il a travaillé avec une astronome qui s'appelle Sylvie Vauclair. Ils ont il y a quelques années sélectionné une douzaine d'étoiles, donc dont les sonorités sont proches des notes de la gamme. Donc ils ont appelé ça la gamme stellaire. Et il a utilisé ça pour composer de la musique. Et lui, il joue de la térémine. Mm-hmm. D'accord ? Ou du térémine ou de la térémine. En russe, c'est en russe de façon, c'est térémine. C'est téréminia, téréminia. Et on sait ni là, c'est ni le, ni le, ni là, c'est téréminia. Donc il a, et donc il a écrit des morceaux pour térémine et gamme stellaire. Donc vous trouvez Paul Samuel Levine, vous allez trouver son site, il y a des trucs, vous pouvez... Ah non, c'est barré, mais c'est bien, quoi. Voilà. Bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, je pense que j'aurai vraiment de quoi dire, de quoi répliquer quand on me dira que les matheux, ah, c'est matheux avec leurs trucs qui servent à rien, leur délire abstrait et tout. Là, j'adore, je monte un dossier là. Mais on mettra tous les compositeurs en note d'émission, parce que moi, j'ai bien envie d'aller écouter tout aussi ouais, après, donner... l'un après l'autre. Je vais pas vous donner toute ma discographie, parce qu'en fait, j'ai une discographie très très longue de ces trucs-là, donc, mais je voudrais vous donner quelques pistes d'écoute. Alors, après. Donc ça, c'était les étoiles. Et puis, alors, il y a un moment... Où, donc on dit l'univers est vide, il n'y a pas de son, c'est vrai. Mais il y a un moment où l'univers, il n'était pas si vide que ça, il y avait des sons. Le Big Bang. Ah ouais, quand on était proche du Big Bang. Donc l'univers est en expansion, d'accord. Donc tout se dilue. Mais si on revient en arrière, vous avez déjà fait le film 15 fois, la matière dans l'univers est de plus en plus concentrée, donc de plus en plus chaude. Et donc il y a un moment où eh bien, la matière est tellement concentrée qu'elle va être ionisée. Et donc ça veut dire que la température va être telle, la température des photons, donc de la lumière va être telle que, en interagissant avec les atomes, ils vont arracher les électrons. Donc au-dessus de l'énergie d'ionisation de ces atomes-là. Et donc, si on remonte plus tôt dans l'histoire de l'univers, eh bien, l'univers est un grand plasma. Et ce grand plasma, donc à l'image d'une étoile, donc c'est une étoile qui représente tout l'univers, et donc il va y avoir des ondes qui vont se propager dans ce plasma, des ondes qui sont exactement des ondes de pression, donc des ondes acoustiques, donc du vrai son. Alors bien sûr, il y a un moment, la matière va se recombiner, l'espace va être vide, mais on peut détecter cette radiation, et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui a été détecté par WMAP, qui a été détecté par Planck, étudié. Et donc, pour ceux qui ont vu ces cartes en ovale avec les petites fluctuations de température, si on regarde dans une direction du ciel, eh bien, on détecte une onde électromagnétique et, qui nous permet d'assigner une température à cette direction du ciel. Et donc ça, on a vraiment une photo de l'univers quand il avait environ 300 000 ans après le Big Bang. Et en fait, une fois qu'on regarde son ciel comme ça, on peut se poser la question, bah, il y a des modes de vibration. Pour chaque mode de vibration, ils vont avoir une amplitude. Donc on va faire un spectre en fonction du mode de vibration, l'amplitude. On va tracer une courbe, donc c'est ce qu'on appelle un spectre de puissance. Et cette courbe, elle nous apprend énormément de choses sur l'origine des grandes structures de l'univers. Parce qu'elle va nous dire à quelles échelles il y a des inhomogénéités de matière. Et c'est ces inhomogénéités qui vont croître en fait sous l'effet de la gravitation pour ensuite former les galaxies qui sont dans notre univers. Donc ça, c'est un domaine de la science qui est tout à fait moderne actuellement en astrophysique, qui a été beaucoup étudié. Et en fait, on peut faire des on peut regarder mode par mode. Et finalement, vous avez des cartes qui ressemblent un petit peu quand vous voyez ces images de violon qui vibrent. On regarde par interférométrie la vibration de la table d'harmonie d'un violon ou d'une guitare, de voir ces modes de vibration. Alors ça, on peut s'amuser à faire un jeu, donc on peut les transformer en son. Et ça, on l'avait fait. Alors je l'utilise juste pour vous montrer ce que ça veut dire. Parce que quand on regarde avec un vrai satellite et ses détecteurs, on ne mesure pas directement le signal. Il y a tout un truc qui s'appelle le traitement du signal, c'est-à-dire en gros enlever tout ce qui n'est pas intéressant, qu'on appelle du bruit, pour pouvoir avoir accès au signal. Donc là, je vais vous faire écouter un canal du satellite Planck, donc de données brutes, une modélisation du bruit. On va faire la soustraction des deux. Alors, c'est pas juste moins, on va pas prendre les deux fichiers, on va faire moins, mais ce que j'appelle soustraction, c'est le phénomène, c'est vraiment le traitement du signal. Et ensuite, on va voir qu'il y a de l'information après. D'accord ? Là, on est en train de d'écouter un truc qui est vraiment, pour de vrai, un objet de recherche. Juste, on ne l'écoute pas, on regarde juste les résultats des calculs, j'imagine, et des mesures. Oui, mais c'est ça, ça va donner des nombres après. Mais disons que, enfin, je veux dire, les astrophysiciens sérieux, pas comme toi, ils n'écoutent pas ce que ça donne, mais par contre, ils regardent les mêmes courbes que toi. Ouais, mais pour ceux qui sont des astrophysiciens... J'ai dit ça sur la ligne, c'est ça dont tu parlais. Voilà, c'est exactement ça. C'est le spectre de puissance angulaire des anisotropies de température du fond diffus cosmologique. C'est wow. Bravo, c'est ça. Okay, super. D'accord. Merci. Bon. Donc en premier, RAW. Ouais, RAW, ça veut dire les données brutes. Ça ressemble à du bruit de la télévision quand il n'y a plus d'émission et qu'on s'est endormi le soir. Ok, bon, ça continue. Donc après, tu mets noise. Ça ressemble quand même beaucoup. Ok, et ensuite, ouais, c'est un bruit blanc. Et on va soustraire ce bruit blanc aux données brutes et on va avoir signal. Donc on sent qu'elles sont un peu bruitées, mais là, il y a une fréquence qui sort, donc il y a de l'information. Et donc il y a une fréquence là et plusieurs autres petites qu'on entend. Oui, d'accord. Bien sûr. Pas forcément une fréquence, enfin, c'est pas un son pur. C'est pas un son pur, d'accord. On peut, à partir de ça, on voit qu'il y a quelque chose et on va pouvoir faire une analyse harmonique de ce truc-là, chercher les fréquences, là où il y a de la puissance, et c'est là où on va trouver de l'information. Et puis si on pointe dans différentes zones du ciel, ça va pas être exactement le même signal, et c'est là où il y a de l'information sur la répartition spatiale en fait de ce signal qui va nous donner ensuite comme spectre la courbe en cloche qui vient d'être postée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça prouve de façon concrète ce que ça veut dire de faire du traitement de signal. C'est-à-dire on a deux trucs qui se ressemblent où on a l'impression qu'il n'y a rien. Et en fait, quand on modélise le bruit et qu'on comprend le bruit, on va pouvoir le soustraire et on va pouvoir faire apparaître une information qui est une information où il y a du contenu scientifique dedans. Parce que les premières observations du fond diffus cosmologique, les gens pensaient que c'était du bruit et il a fallu d'autres analyses pour montrer qu'il y avait des fréquences dedans. Alors oui, il y a toute une légende. Je ne connais pas bien l'histoire, mais c'est vrai qu'au début, donc c'est Penzias et Wilson, je crois que c'est en 67, la première détection, qui étaient des ingénieurs, je crois, chez Bell. Ils ne connaissaient pas la théorie, donc ils ne recherchaient pas quelque chose. Et donc pour eux, c'était un bruit qu'ils ont essayé de soustraire tant bien que mal. Et c'est qu'après qu'ils sont rentrés en contact avec des gens à Princeton, en particulier Jim Peebles, qui les a aiguillés et qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait une découverte majeure. Voilà. Donc ça, c'est des sons qui existent. Donc on peut jouer comme ça, on peut les utiliser à des fins de vulgarisation et puis on peut les utiliser dans des compositions. C'est-à-dire que ça, c'est des... on a utilisé, donc pour revenir au travail qu'on avait fait avec Eddie Ladoire, on a utilisé plein de spectres, dont des spectres de galaxies, on a utilisé... Voilà, dès qu'on a des spectres, en fait, on a de l'information et on peut s'amuser à les écouter. Alors souvent, il faut les transposer. Et est-ce qu'il y a des fréquences survivantes de cette époque-là? Est-ce qu'il y a des grandes fréquences qui traversent l'univers très lentes? Est-ce qu'il y a une oscillation de tout l'univers en même temps? Alors, en fait, tu as des modes de longueur d'onde qui sont plus grands que la taille de l'univers observable. D'accord, d'accord. Ils existent. D'accord, donc ça existe. Alors ce qui est marrant, c'est... Ah oui, je peux vous raconter ça parce que ça fait partie de ma vie en plus. Dans les années 2000, à l'époque où je travaillais avec Jean-Pierre Luminet, Roland Lehoucq, Jeffrey Wicks, Alain Riazuelo, on se posait la question de savoir quelle est la forme et la taille de l'univers, donc sur ce qu'on appelle en maths la topologie de l'univers. Donc on a un espace, on apprend avec la relativité générale et l'étude de la cosmologie des choses sur sa géométrie, mais en fait quand on a une géométrie, il y a parfois plusieurs topologies qui sont compatibles avec une même géométrie. Et donc on s'était posé la question, parce que c'est une propriété de l'espace qui n'est pas fixée par les équations de la relativité générale. Et donc on s'est dit, est-ce qu'observationnellement on peut s'amuser à mettre des contraintes sur la taille et la forme de l'univers? Et en 2003, on a publié un article qui a été, qui a fait la couverture de Nature. C'était top. Et en prenant les premières analyses du satellite WMAP, on avait montré qu'il manquait de la puissance aux grandes échelles. Et il y avait des corrélations entre différents modes, le quadrupôle, l'octopôle, il y avait des anomalies et tout ça. Et en fait, on avait un modèle donc, qui était un modèle d'une trois sphères, donc une sphère à trois dimensions, avec la topologie de l'espace de Poincaré, donc ce fameux dodécaèdre. Et donc, on avait proposé que finalement, c'était ça la forme de l'univers. Donc, à l'époque, on avait publié, c'était tout à fait en accord avec toutes les observations. Et puis, l'analyse plus fine, parce qu'on avait des signatures. Donc, une fois qu'on avait ce modèle-là, ça prédisait d'autres signatures qui n'étaient pas accessibles à l'époque. Et avec plusieurs années de travail ensuite et des données meilleures, donc les données de WMAP en 2005 et en 2009, on a prouvé que ce n'était pas le cas. Et avec Planck aussi, ça confirme que ce n'est pas le cas. Mais donc, ça, c'était la publication qui disait que l'univers était un ballon de foot. Ouais, non, pas ça. Un ballon de foot, un dodécaèdre de Poincaré. Et alors, quand même, pour la petite histoire, quand même, il se trouve que c'est, je crois, le premier article que j'ai lu une fois que je me suis retrouvé en formation de journalisme scientifique. Et donc, du coup, j'ai lu ça, je me suis pris la tête pour essayer de comprendre ce que signifiait ce truc. J'avais à peu près jamais entendu parler de 4D. Moi, après, quand on sort d'études de mathématiques, on sait très très bien ce que c'est qu'un espace à n dimensions. Mais un espace à 4 dimensions, on a du mal. Donc, je me suis pris la tête à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Donc, pour les néophytes, c'est un truc assez très difficile à comprendre. C'est juste qu'on a le droit de... En quatre dimensions, on peut faire des choses qui là, sont c'est en évidemment... trois dimensions. C'est vraiment les topologies de l'espace. Hein. C'est des topologies de l'espace à trois dimensions. On a besoin de la quatrième dimension pour le faire, puisque tu es obligé de coller les... Disons que pour résumer, pour prendre un exemple plus simple que tout le monde peut comprendre, imaginez que vous prenez un cube... C'est pas un cube, mais c'est pareil, c'est aussi compliqué avec un cube, et qu'on colle les faces qui se retrouvent face à face l'une de l'autre, l'une à l'autre. Et vous prenez deux faces, vous pouvez le faire en tordant le cube, ça peut éventuellement le faire. Vous prenez deux autres faces, vous pouvez encore le faire en tordant méchamment le cube, celle d'après ça passe plus, mais en 4D ça passe. Enfin bon, bref, je me rappelle que j'avais quand même un peu transpiré et encore plus transpiré quand j'avais essayé d'expliquer ça au non-matheux qui était avec moi dans la formation. Donc c'est un souvenir assez émouvant. Ouais, Enzo, c'était une aventure vraiment sympa. Et donc, ouais, tu parlais du ballon de football et c'est vrai que c'est ce qui est resté après pour pas mal de gens parce que c'est devenu un petit peu célèbre. Parce que, en fait, c'est le problème quand vous publiez dans ce genre de journaux, c'est qu'après, ça attire des journalistes. Et il y avait eu... Il faut que je retrouve parce que j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'après, c'était dans tous les journaux. Et en particulier, c'est la première fois et la dernière fois d'ailleurs jusqu'à présent, mais bon, on ne sait jamais ce que la vie vous réserve, que j'étais dans le Sun, un tabloïd anglais. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un dodécaèdre, c'est un polyèdre qui est fait avec des pentagones. Et donc, on avait fait un dessin pour expliquer aux gens qu'on pouvait paver la trois sphères avec des dodécaèdres. Donc, il y avait une analogie qui était faite d'un pavage d'une deux sphères avec des pentagones. Et donc, les gens ont vu ça, ils se sont dit, ouais, c'est le football-shaped universe. Et donc, il y a un type qui était un commentateur de foot anglais qui a écrit un article sur nous. Donc, Cosmos is football shaped, c'est le titre de l'article. Et la citation, c'est Cosmology says that football is more important than life and... c'est ça. Soccer is more important than life and death, et qui est la conclusion d'une étude scientifique dans Nature. Donc voilà, comme quoi la science peut vous mener à tout. Donc comme on n'est pas loin de la phase finale de l'euro, on ne sait pas, mais donc voilà, tous les moyens sont bons pour faire de la vulgarisation et parler de l'univers. C'est surtout ça qu'il faudra retenir de cette émission. Et juste, j'essaie juste un tout petit peu, parce que vous avez parlé très très vite des modes de vibration, puis ça te permet éventuellement de manger un peu, des modes de vibration, etc. Peut-être quand même aussi de s'arrêter 2-3 minutes là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, disons, évident pour des physiciens, à peu près intuitivement compréhensible pour des musiciens, mais bon, il faut quand même y aller peut-être un peu doucement, peut-être. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de dire que suivant la forme et la taille d'un objet, il va pouvoir vibrer de façon assez naturelle à une certaine vitesse. C'est-à-dire que vous prenez une ficelle longue, elle va vibrer de façon plus lente qu'une ficelle plus courte, qui est tendue de la même façon. Vous prenez un tambour, il va effectivement pouvoir... Il va y avoir des ondes qui vont faire des allers-retours à une certaine vitesse, et la forme fait qu'à certains endroits, ça va pas vibrer aussi bien, ça va pas se déformer assez bien comme il faut, et que suivant la fréquence qu'on lui donne, suivant la vitesse qu'on essaye de donner à la façon qu'on a de faire vibrer un objet, que ce soit en une dimension, en deux dimensions, en trois dimensions, ça va fonctionner plus ou moins bien. Donc quand on parle des modes, c'est les fréquences qui fonctionnent bien avec la forme d'un objet. Je pense que c'est quand même bien de le préciser parce que... Voilà, donc c'est ça. Donc tu reprenais l'exemple de la corde. Donc si je prends une corde d'une certaine longueur, il va y avoir la plus petite fréquence avec laquelle cette corde peut vibrer, ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. C'est elle qui va vous dire finalement c'est un La ou c'est un Do. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce qu'on appelle ces harmoniques. Donc ça va aussi vibrer avec la fréquence double, la fréquence triple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, mais ça nous permet de relier aussi à ce qui se passait au début de notre discussion. Et en fait... la puissance relative qu'il y a à avoir dans chacun des modes, ça va nous donner la couleur du son. En fait, c'est ces harmoniques-là qui vont donner le timbre d'un instrument. C'est-à-dire qu'un La d'un violon, c'est pas un La de trompette et c'est pas un La d'un n'importe quel autre instrument, parce que la composition de ces modes harmoniques, donc ces autres modes de vibration, ne sont pas dans le même dosage, et c'est ça qui fait qu'on entend toujours un La, mais avec une couleur différente. Donc ça, c'est important. Et alors ça, c'est aussi un truc, c'est un tuyau que je donne pour les gens qui par exemple auraient envie de passer des concours dans les années à venir. Souvent on se pose la question, on se dit si je prends une guitare, est-ce que ce qui émet le son, c'est la corde qui vibre? Parce que là on parle des cordes vibrantes et on parlait de Pythagore, et on dit toujours oui, comme la corde qui vibre, mais en fait la corde qui vibre, elle émet pas de son, quoi. Le son, il est quasiment inaudible. En fait, ce qui vibre, c'est vraiment la table d'harmonie. Donc là encore, la corde qui vibre, c'est l'excitateur qui va exciter cette membrane qui est la table d'harmonie, et c'est elle qui produit vraiment le son. Et en fait, comme elle a une forme qui n'est pas simplement une corde, les harmoniques et les modes propres de vibration de cette cavité sont beaucoup plus riches. Tu corrigeras ce que je dis parce que je n'y connais strictement rien, à peu près autant que Robin en astrophysique. Mais pour avoir l'idée de ce que fait le bruit d'une corde qui vibre, c'est à peu près le bruit que fait une corde de guitare électrique quand elle vibre. Exactement. Et qu'elle n'est pas branchée. Exactement. C'est ça, mais ça exactement. Ça, c'est pas de l'astrophysique d'ailleurs, c'est de la guitare. C'est de la guitare, d'accord. Et l'exemple, si vous n'êtes pas convaincu, l'exemple simple, c'est bon, aujourd'hui, les gens ont des trucs électroniques, mais quand vous prenez un diapason, vous tapez un diapason, vous le tenez dans vos doigts, vous entendez quasiment rien, vous le posez sur la table, et là, vous entendez le son. Donc, il est clair que le diapason, c'est un vibrateur, c'est l'excitateur qui va exciter l'objet qui vibre, qui est la table d'harmonie. Et donc en termes, alors pour ceux qui connaissent un peu plus de la physique, en fait, il faut voir la table d'harmonie comme un filtre qui est excité à une certaine fréquence. Donc c'est un oscillateur forcé avec une fréquence donnée qui est donnée par la corde. Non, le diapason, ça va dépendre. Bah, le diapason, normalement, si tu veux un diapason qui fait le La, tu veux quand même qu'il fasse La. Oui. Après, bien sûr, il va y avoir des harmoniques, puisqu'il a une certaine forme. Mais la corde aussi, elle va avoir des harmoniques. Mais ce que je veux dire, c'est que la fréquence fondamentale avec laquelle tu vas exciter, c'est celle qui va être donnée par, en gros, la longueur et la tension de ta corde. D'accord. Donc ça, c'est juste pour revenir à notre ami Pythagore. Et puis, comme tu es un matheux, c'est aussi en germe, on ne va pas parler de ça parce que c'est chiant, mais en germe, le fait qu'on puisse décomposer en mode, comme ça, tout signal périodique, c'est derrière les théories en particulier de Fourier et de décomposition modale. Et ça, c'est vachement important parce que c'est au centre de plein de développements mathématiques contemporains, et en particulier d'un point de vue de la musique, c'est ce qui explique qu'on puisse faire des synthétiseurs, par exemple. Quand vous avez un synthé, en fait, il va avoir une banque de sons purs, donc des fréquences sinusoïdales, et il sait comment les agencer en termes d'harmonique pour reproduire un son qui ressemble plus à un son de piano ou un son de violon. En fait, c'est complètement synthétique, et on a fait la bonne balance. Donc, on a pris des violons et on a mesuré tous les harmoniques jusqu'à une certaine... Donc, en fait, il y en a une série infinie, on s'arrête à un moment, et en fait, plus on ajoute d'harmonie, plus on a un son qui ressemble à un son d'un instrument. C'est grâce à ça aussi qu'on fait des MP3, c'est-à-dire qu'on coupe la fréquence au bout d'une certaine fréquence et on arrête et on... Oui, en fait, dès que tu vas enregistrer, il y a un moment tu dois enregistrer une quantité finie d'informations, donc tu vas devoir chanter. Ouais, voilà. Ok, donc on en était là, et puis on peut continuer alors. Donc on a des objets qui... Alors après on peut parler... Ouais, on va partir dans des trucs plus drôles, mais... ça, j'ai envie de... Quand même, il faudrait que je vous raconte ça parce que j'adore. Bon, on va parler de points, d'accord? Donc là, c'est de la mauvaise foi, et j'adore la mauvaise foi pour ceux qui me connaissent, parce que franchement, on peut à peu près justifier tout et n'importe quoi pour raconter des histoires. La musique, c'est des points, d'accord? Vous êtes d'accord? La musique, c'est des points. Je... C'est des lignes avec des points. Ah oui, d'accord. Ah oui, okay. D'accord, oui. C'est comme ça qu'on écrit les notes, quoi. C'est comme ça qu'on écrit la musique, d'accord ? Hein ? C'est comme ça qu'on écrit la musique. Ah, les étoiles, c'est des points. Ah, bah, c'est super. D'accord. Et alors, les lignes. Et on fait des lignes, on appelle ça des constellations, et on raconte des histoires et tout ça, et puis on sait que les constellations, ça représente rien et tout, et donc on peut s'amuser à se dire, ah, c'est des points, et on peut faire plein de choses. Et alors, bon, ça, c'est, il y a plein de gens qui se sont amusés. C'est là où on peut parler de John Cage, par exemple, parce que lui, il a vraiment fait ça, John Cage. Il a été encore plus de mauvaise foi que moi, parce qu'il a pas simplement dit, il a écrit de la musique, il a écrit des disques, et en plus, ça se vend. Et donc, il a mis des portées. Ouais, il a, ouais, tu vois. Non, bah, je vais vous faire écouter un truc de John Cage. Et hein, c'est. Voilà, c'est ça. On peut tous se permettre. Quand on est plus. C'est ça. On peut tous se permettre. Juste parce qu'elle n'a pas été enregistrée, c'est donc Anne qui a fait une intervention très pertinente, qui a parlé de 4 minutes 33, et là c'est John Cage la plus difficile à interpréter, puisqu'il s'agit de ne rien faire pendant 4 minutes 33. Oui. Je l'ai joué à Polytech. Ah, tu l'as joué ? Bravo, bravo. Excellent, excellent. Mon père l'a en vinyle. Ah ouais, bien. Ah ouais, super ça. Ah mais j'en veux une copie. Le vinyle vieillit assez mal, parce que du coup ça fait un peu de bruit maintenant. Et je crois que sur l'autre face, c'est de la musique faite à base de ce petit train xylophone pour enfants que quand on fait bouger, il fait de la musique, quelque chose comme ça. Voilà, donc... Sinon, j'ai le son, là. D'accord, ouais, on va écouter un peu de ça. Donc là, en fait, bon, c'est une plaisanterie, mais en fait, on peut réfléchir quand même un petit peu à ce que ça veut dire, parce qu'on écrit de la musique avec des points. Je ne sais pas si vous avez vu des partitions de musique contemporaine, hein, c'est plus des portées et des points. D'accord, il y a plein de... Bah, je ne sais pas, vous avez déjà, par exemple, Penderecki, si vous aimez. Moi, j'adore Penderecki. Je suis un fan. Vous avez vu des partitions de Christophe Penderecki. Donc, vous allez voir, il y a des clusters, il y a des trucs qui ressemblent à des armes. Et puis, vous avez... je vais vous montrer, là, j'ai une collection. Moi, je vais vous montrer. Alors, pour les autres, vous ne pourrez pas le voir, mais on vous en enverra plus tard sur Internet. Voilà, tout ça, ce sont des partitions de musique, d'accord. Donc voilà, c'est classe. Donc en fait, ça ressemble à des dessins, des paysages, des pictogrammes, des machins. D'accord ? Ouais, ça vous fait rire, hein ? Voilà. On dirait les notes de Robin, les partitions de musique, là. Ah, John Cage, elle est sympa, oui. Elle est sympa. Donc voilà. On dirait une carte topographique, quasiment, oui. Donc... Stockhausen, il a fait des trucs sympas. Ouais, Stockhausen, ça c'est super connu, ça, de Stockhausen. Ah, je voulais en parler tout à l'heure, ouais. J'adore Stockhausen aussi. À un moment, on peut aller se coucher, moi. Donc par exemple, si vous avez YouTube... Je vous engage à taper Cornelius Cardew. Cornelius comme Cornelius Cardew, C-A-R-D-E-W. Un truc qui s'appelle Treaties. Et vous allez voir la partition, elle défile, il y a des gens qui jouent dessus. On ne va pas l'écouter maintenant, mais juste pour vous dire, ça dure 20 minutes. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut écrire de la musique de plein de façons différentes et que ça donne des choses différentes. Alors ça veut dire une chose, c'est que une partition de musique, c'est une représentation de ce qu'on va écrire. D'accord, on a choisi un langage et ça permet d'écrire. On a décidé qu'il y avait des points, que ces points correspondaient à des fréquences. Et puis on a donné des rondes, des noirs. Et ça voulait dire qu'il y avait des temps qui étaient doux, moitié, et ainsi de suite. Et en plus, ça ne correspond pas forcément aux mêmes fréquences selon les instruments. Oui, en fréquence propre, en fréquence fondamentale, si, normalement. Oui, mais par exemple, il y a des instruments comme la clarinette qui... Ah oui, alors ça, c'est les instruments transpositeurs. C'est simplement qu'ils n'ont pas appelé les notes de la même façon. Et à partir de là, on peut se dire... Ça veut aussi dire qu'on s'interdit de jouer des quarts de notes, qu'on s'interdit de jouer des trucs continus, qu'on s'interdit de jouer des certains rythmes, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Comment on écrit ça sur une partition de musique, un chirp ? Eh bien, on n'écrit pas sur une partition, mais il faut inventer un signe. Donc, si vous lisez des partitions de Penderecki, par exemple, il y a plein de coups d'archet qui n'existent. Quoi. Il a des tables avec des coups d'archet, avec des signes qui veulent dire un quart de ton, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à un moment, il était limité par l'écriture dans ce qu'il voulait faire exprimer. Parce qu'en fait, tu parlais de MP3, mais MP3, c'est un codage numérique d'un certain signal analogique qui est ce son. Et bien, en fait, une partition de musique, c'est aussi une codification de ce que je veux écouter. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des interprétations différentes du même chose écrite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus dans ce que tu joues que dans ce qui est écrit. Oui. Voilà, donc il y a une part d'interprétation. Il y a des morceaux, je ne sais pas, j'avais lu tout un truc sur je ne sais plus quel morceau de Beethoven où ça commence par trois croches qui sont liées, d'accord ? Donc à l'école, on nous apprend trois croches, ça fait un temps et demi, on joue comme ça. Alors, en fait, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit noir pointé ? Donc, et il y a des traités entiers de savoir pourquoi il a écrit trois croches plutôt que noir pointé et comment est-ce qu'il faut les jouer. Donc ça veut dire que si intentionnellement il a marqué, il voulait dire quelque chose. Et voilà. Donc il faut jouer de la musique, c'est pas simplement reproduire ce que la partition vous dit. Il y a toute une partie d'interprétation et c'est ça qui fait l'artiste. Et on peut se dire qu'on a le droit d'écrire la musique de façon différente. Alors John Cage, il s'est amusé, et donc dans ce truc qui s'appelle Atlas Eclipticalis, il a fait des clusters, des constellations de notes, des clusters de notes. D'accord. Donc vous avez donc il a fait des dessins, il a mis des petits points et puis alors si vous êtes musicien, donc vous tapez Atlas Eclipticalis, vous allez voir sortir des partitions de John Cage, vous allez voir à quoi ça ressemble et vous pouvez écouter. Donc voilà, si vous arrivez à lire ce qui joue, c'est bon. On est parti. C'est vrai quand tu veux, hein. Écoutez ça, c'est merveilleux. Hein. Mais bon. Donc, vous voyez, on peut justifier à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est beau. Donc, il y a plein de gens qui se sont amusés. Ça, on a parlé. Donc, Philippe Glass, il avait écrit un truc qui s'appelait Orion. Il a pris des cartes du ciel, il a tracé des lignes dessus, il a demandé aux gens de le jouer. C'est bien. C'est pas mal. Ah oui. Ouais. Olivier Messiaen, dans un truc qui s'appelle Éclair de l'au-delà, il a un truc qui s'appelle le Sagittaire. Alors là, il a demandé à l'orchestre de se mettre en petits groupes et de se mettre comme la formation, la constellation du Sagittaire. Bon, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais voilà, il s'est amusé à ça. Donc, les gens se sont amusés à trouver ces représentations. Donc, on parlait de points. Alors ça, je peux vous... Il y a un truc nous, qu'on avait fait. On ne va pas l'écouter parce que c'est vraiment mauvais. C'est inaudible. Mais donc, j'avais pris une carte, un catalogue de galaxies. Donc, vous voyez, c'est des ensembles de points. Et donc, au départ, la matière est plutôt homogène. Et puis, ça va former des grandes structures avec des vides, des filaments. Et donc, j'avais une bande comme ça. Donc, la longueur le long de la bande, c'est la distance par rapport à notre galaxie. Donc, plus on s'éloigne, plus on est dans l'univers lointain et jeune et donc de plus en plus homogène. Et on voit la structuration des galaxies. Et donc, j'avais pris cette bande. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais utiliser ça comme un codage MIDI. Et donc, ça me donne des notes de piano et qu'on joue comme ça, et poum, poum, poum, et ça fait un truc complètement inaudible. Et c'est vrai que c'est inaudible. Et alors, un jour, il s'est trouvé... donc, c'était il y a 3 ans, j'étais à l'Observatoire du Cap, en Afrique du Sud, et il y avait une femme, Wenda Diaz, qui est costaricaine, et qui est aveugle, et elle est astronome. Donc elle a fait une thèse d'astronomie, elle faisait de l'astronomie observationnelle, et elle a eu une maladie, elle, vers 27 ans, elle est devenue aveugle. Et on a pas mal discuté, et donc je lui ai fait écouter ça, je lui ai dit, ça te fait penser à quoi? Et en fait, c'est la seule personne que je connaisse au monde qui m'a dit, mais en fait, là, tu as des distributions de notes qui sont homogènes, et ça se structure, et on voit que tes notes, elles se mettent en structure d'éponge et tout ça. Et là, j'étais complètement sur le cul, parce que bien sûr, je me suis dit, c'est alors la seule personne qui me dit que voilà, ça représente exactement ce qu'on joue. Et en fait, cette personne est assez extraordinaire. Donc, elle est un peu comme... vous vous rappelez le film Contact avec Jodie Foster et Eli, vous savez, là, qui écoute avec les radiotélescopes. Et en fait, elle fait exactement pareil. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas voir, elle fait des calculs. Donc, elle transforme, elle a un logiciel de sonification. Elle transforme ses observations en musique. Donc, par exemple, si elle a des spectres d'absorption, il va y avoir, ça va lui donner la fréquence. Donc, le temps, c'est en gros la distance depuis l'observateur. Et donc, elle va avoir ces données-là. Et elle peut calculer, par exemple, des intervalles de courbes à l'oreille. Et elle m'a fait la démonstration, donc elle m'a montré la courbe. Moi, j'ai mis dans Mathematica, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai eu l'intégrale. Elle a utilisé son logiciel, elle a écouté, et ensuite, donc, elle a sorti de tête le résultat de l'intégrale, et j'ai trouvé que c'était bluffant. Voilà. Donc, comme quoi, on peut calculer aussi avec ses oreilles, mais ça prouve encore ce que je disais au départ, c'est-à-dire que quand on n'a pas accès à certains sens, on n'a pas accès à toute la réalité, mais c'est on ça, peut ça va transformer. Complètement avec l'astronome aveugle. Là, ah oui, non, mais là, elle, c'est l'incarnation de l'astronome aveugle. Donc je lui raconte, on s'est vu plein de fois après, on s'est raconté des histoires parce que je lui ai raconté plein de choses qu'on avait faites et pour lui montrer que c'était en fait, elle le vivait complètement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle fait des conférences dans le noir absolu sans slides, et donc elle fait écouter des choses aux gens et elle les met dans un univers où ils ne peuvent pas voir, parce qu'elle dit, mais en fait, si les gens ne peuvent pas se mettre du côté de la perception du monde des aveugles, Donc il faut que vous soyez dans les mêmes conditions, que vous ayez une appréhension de ma conférence qui est basée que sur l'écoute. Et donc elle fait des conférences comme ça, et je trouve que c'est très très joli, parce que c'est vrai que quand on est... on n'a pas la même relation en fait à ce qui est visible et ce qui est audible. Et d'ailleurs, mais ça c'est un truc que moi je trouve assez fabuleux, c'est que quand vous allez au concert par exemple, c'est un effort d'écouter parfois, c'est-à-dire qu'il faut rester concentré. Si vous ne restez pas concentré, en fait, vous n'arrivez pas à écouter tout le temps. Donc ça demande un effort particulier, alors que de façon paradoxale, vous ne pouvez pas fermer vos oreilles. Donc vous êtes obligé d'entendre. Et c'est un peu la différence entre entendre. Vous êtes obligé d'entendre, mais c'est difficile d'écouter. C'est un peu comme avec les gens, quand ils vous parlent, vous les entendez, mais quand vous les écoutez, vous ne les entendez pas toujours. Alors qu'au cinéma, on peut fermer les yeux, voilà. Mais c'est moins difficile de voir, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tout, dans la vie, tu peux toujours... Il paraît que Kant se plaignait beaucoup du fait qu'on ne pouvait pas fermer ses oreilles, ça le dérangeait. Ça l'empêchait de se concentrer. Comme tu parlais de Kant avant. Il... on ne sait pas si c'est vrai, mais en tous les cas... Donc c'est assez paradoxal, donc on a ce sens qui est Louis, on peut pas s'en abstraire, on est toujours dérangé par les voisins qui font du bruit en plein milieu de la nuit, quoi. Donc non mais c'est vrai, ça vous empêche de... alors que ils peuvent danser. Alors que les ça voisins dérange, qui ont des lasers dans leur ouais, maison, c'est pas gênant. Et d'un autre côté, rester concentré sur de la musique, ça demande un effort plus que de regarder des images passées. Donc je pense qu'il y a une relation différente au son et à la lumière. Bon bah voilà, après on peut jouer plus. D'accord, il faut jouer plus. Donc la question suivante qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut entendre ou écouter des théories physiques ? Parce qu'au départ, je suis quand même un théoricien, donc moi j'aime les équations, les courbes. C'est vrai que c'était beaucoup pro d'observation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'amuser à faire ça ? Bah oui, si tu peux. Ouais, si je pose la question, et connaissant la mauvaise foi de ce soir, on sait qu'on va pouvoir le faire. Et toute une partie des équations, etc., particulièrement les équations différentielles, se prêtent plutôt bien à l'écoute, à mon avis. Alors voilà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire que certaines équations de type différentiel qu'on va appeler des équations d'onde ou des équations de propagation, les solutions de ces équations, eh bien ça va être des choses qui représentent des signaux qui vibrent, d'accord ? Donc ça, on peut s'amuser, pareil, à faire cette transposition et puis à les écouter, d'accord ? Donc ça, c'est clair que c'est une chose qu'on peut faire. Alors il y a pas mal de gens qui ont essayé de faire ça. Alors je vais donner 2-3 exemples de musiciens, donc des gens que j'adore, hein. Donc le premier, c'est Edgar Varèse. Est-ce que vous connaissez Edgar Varèse ? C'est un des plus grands compositeurs français. Et il a écrit dans... C'est vrai ? C'est pas vrai ? Si, si, elle est... Si c'est un plus grand, je sais pas. Mais j'ai pas dit le plus grand, un des plus grands, d'accord ? Ouais, moi j'adore Edgar Varèse. Mais quand on dit ça, ça veut juste dire qu'on l'aime, quoi. Voilà, ça veut pas dire que... On n'est pas là pour mettre des médailles, mais ça veut dire qu'il a fait des choses extraordinaires. Et il y a une pièce que je trouve fabuleuse qui s'appelle « Ionisation ». Il a écrit, je crois, 1929-1930. Et là, si vous regardez la partition, ça ne ressemble pas vraiment à une partition de musique, ça ressemble plutôt à un spectre que vous auriez mesuré en faisant de la spectro dans un laboratoire. D'accord ? Donc vous avez voilà, comme un spectre d'absorption. Là, j'ai un morceau de la partition ici. Voilà, ça ressemble à ça. D'accord. Hein, c'est des courbes. Et alors, c'est assez marrant parce que lui, il dit qu'il ne se dit pas... voilà, tu vois, c'est des partitions comme ça. Donc c'est des notes continues, quoi, en fait. Ouais, c'est des mouvements. Donc ça, voilà, moi je compare ça à un spectre d'absorption, par exemple. Voilà, un spectre d'absorption de quasar, et ça ressemble énormément. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment les années 30, c'est quand même un âge d'or de la physique, on découvre la mécanique quantique, on comprend la matière, et ainsi de suite. Et il dit qu'il décide d'appeler sa musique son organisé, et que lui, il c'est pas un musicien, mais c'est un travailleur en rythme, fréquence et intensité. Donc un physicien expérimentaliste, quoi, c'est comme ça, il travaille avec des rythmes, des fréquences et des intensités. C'est-à-dire que là, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est clair que ça, c'est le départ aussi d'une musique où on va faire de la musique électroacoustique, on va utiliser des ordinateurs. Il va y avoir toute une branche de la musique qui va vraiment travailler avec ça. Et ça va aller de la musique contrainte, on parlait de Stockhausen tout à l'heure. Donc il va y avoir toute une musique où on va travailler les sons avec l'ordinateur pour pouvoir faire des univers sonores. Et là, il est clair que les règles ne vont pas être les mêmes parce qu'on va pouvoir additionner des sons, multiplier des sons, on va pouvoir faire plein de choses qu'on fait avec des signaux, interférer des sons qu'on ne peut pas faire avec des instruments de musique de façon assez simple. Donc voilà, donc ionisation, c'est une pièce, si vous vous plongez dedans, donc l'ionisation d'un atome, c'est l'acte d'arracher ses électrons en le bombardant de photons, donc sous l'effet du rayonnement. Et donc, si vous pensez fort à ça et que vous écoutez cette pièce, eh bien, vous êtes en fait à l'intérieur d'un atome et vous allez avoir les transitions de niveau énergétique des électrons et le rayonnement qui est émis et tout ça. Et donc, c'est tout à fait dans l'ère de la scientifique de l'époque qui est la mécanique quantique et la compréhension de la structure de la matière. Je ne sais pas si tu veux en mettre un petit bout, t'as l'enregistrement, mais c'est comme tu veux. Au début, ça part lentement, je pense que tu peux sauter un petit peu. Et donc là, ouais, c'est ça. Il y a des moments qui sont intenses, il y en a qui ne le sont pas. Donc ça nous a amené vers la mécanique quantique. Et une chose qu'on a apprise, voilà, au XXe siècle avec la mécanique quantique, c'est que bah, toute particule est aussi une onde, donc tout vibre. Donc en fait, l'essentiel est fait de vibrations. Donc on peut chaque particule, que ce soit un électron, que ce soit un noyau atomique, va avoir des propriétés qui sont les mêmes que celles de toute onde. Et donc, finalement, tout s'écoute, d'accord ? Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que les développements aujourd'hui en physique théorique autour de la compréhension de la théorie de la gravitation, bah, qui cherchent à formuler une théorie de la gravitation qui est quantique, vont donner que finalement, tout est vibration. L'espace-temps lui-même pourrait être la résultante de cordes qui vibrent. On appelle ça la théorie des cordes. Donc, autant dire que si c'est des cordes qui vibrent, on a bouclé la boucle. Et donc, dans ce cas-là... on pourrait dire que pour voir Pythagore, tout est musique, puisque l'univers, ça serait l'essence de cordes qui vibrent et donc de modes de vibration qui seraient aussi quantifiés avec un fondamental 2 fois, 3 fois. Donc finalement, peut-être qu'il n'avait pas si tort que ça. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ça avait été... Il y a plusieurs compositeurs qui se sont inspirés de tous ces développements cosmologiques et scientifiques. Donc, on parlait de Stockhausen, il y a un truc qui s'appelle ILM, donc en fait, qui est basé sur la théorie des univers cycliques de Gamow dans les années 50, par exemple. Et puis, on parlait tout à l'heure du fond diffus cosmologique. Alors, il y en a un qui a entendu le fond diffus cosmologique, c'est Frank Zappa. Zappa. C'est bien, Frank Zappa, non ? C'est des gens qui ont les cheveux longs. Bon, j'ai pas de moustache, mais qui ont les cheveux longs. J'adore Frank Zappa. Et donc, il a un album qui s'appelle The Big Note. Et donc, il a dit... on a découvert le fond diffus cosmologique. Donc, c'est ce fond d'ondes électromagnétiques qui a une température de 2,7 Kelvin. Et en fait, je ne sais pas où il a lu ça, mais en fait, il a dit, en fait, l'univers vibre. Il vibre... donc, c'était un si bémol, mais 4928 octaves au-dessous de la big note. Donc, en fait, c'est un peu comme un mantra. L'univers, il chante un si bémol, comme ça. Mais... 4928 octaves au-dessous du si bémol que, qu'on peut entendre. Et donc, il a tout un univers et donc, où c'est complètement ésotérique, où tout pourrait être l'essence de la big note et ainsi de suite. C'est génial, en fait. Voilà. Et donc, si vous écoutez Frank Zappa et ce truc-là, et que vous vous rappelez de tout ce qu'on a raconté sur Pythagore, machin, Aristote, Platon et tout, machin, et ben en fait, vous le voyez d'un œil nouveau. Donc, il a des tirades, donc c'est Spider qui dit « Everything in the universe is made of one element, which is a note. » Et ça continue comme ça. Et bon, c'est génial, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut relier. Donc ça montre des liens qui sont complètement inattendus. On ne sait pas si Zappa, il connaissait Pythagore, et on s'en fout d'ailleurs. Mais on voit que quelque part, il y a un moment, les gens, ils arrivent aux mêmes conclusions en passant par des chemins qui sont complètement différents. Donc là, on voit que ces liens entre science et musique, ils vont être multiples. En fait, on peut les creuser, on peut parler, c'est pour ça qu'on peut parler, on va bientôt s'arrêter, mais des heures et des heures, on avait le fil historique sur l'évolution des théories scientifiques, on avait le fil avec les mathématiques, donc on a parlé théorie des nombres, et puis les gammes musicales, et ainsi de suite. Il y en a plein, il y a d'autres aspects avec les mathématiques, il y aurait tout l'espace des symétries, par exemple. Hein, en maths, quand on veut décrire un espace, on peut aussi le décrire à partir des symétries qui laissent invariantes les figures. Donc, en particulier depuis Klein, c'est une façon de décrire les, puis retrouver les groupes de symétrie et ainsi de suite. Mais en musique, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut prendre une ligne, on peut la jouer à l'envers, on peut la renverser, on peut la transposer. Et donc, ça va donner ce qu'on appelle les groupes musicaux. Et il y a plein d'œuvres qui utilisent ça bien avant le concept même de groupe en mathématiques. Hein. Alors, et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui osent prendre une partition et la tourner, voilà. Par exemple, à 45 degrés et regarder ce que ça donne. Voilà, tu peux la tourner. Donc ça a été fait bien avant eux. Hein. Ouais, y a des gens qui font ça. Voilà, et ben tu le fais quand même, et puis tu vois où atterrissent les notes, c'est-à-dire sur des lignes ou pas sur des lignes, on sait pas trop. C'est une portée infinie, Voilà, tu peux t'amuser à faire ça. Des notes qui sautent d'octave, qui vont de... Les intervalles entre les notes changent, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que, en gros, si t'as une mélodie, tu tournes à 90 degrés, ça te fait un accord, quoi. Et si tu fais un accord, tu tournes à 90 degrés, ça te fait une mélodie. Et si tu fais un truc entre-temps, entre deux, ça te fait des notes plus rapides et avec des intervalles plus grands ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Il y a des gens qui font ça. Donc ça, et en plus, ils sont payés pour. Ouais. Ah bah c'est tout. Ah, ça, c'est la beauté du geste. Hein. C'est les gens de Yakam, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, ils n'ont pas attendu qu'on découvre les groupes et tout ça pour le faire. Je veux dire, par exemple, Mozart, Bach. Alors, j'ai un très bel exemple de Bach. Bach, dans la fugue, de toute façon, la notion de fugue, c'est basé aussi sur ce chose de transformer des motifs, mais simplement un canon, qu'on appelle ça le canon éternel, c'est en gros une mélodie sur un cylindre. On continue. Donc, c'est ça, un canon. Donc, c'est ça. Donc dans l'offrande musicale, Bach, il a un truc qui s'appelle le canon du crabe, et donc il a une mélodie qu'on peut jouer dans un sens, on peut la jouer dans le sens inverse, on peut les jouer en même temps, et en fait, quand on regarde la mélodie, en fait, elle a une structure de ruban de Möbius. Voilà. Mozart, il a un truc qui s'appelle les canons en miroir. Et donc c'est la musique qui a qu'une seule portée, et il y avait deux violonistes qui s'asseyaient l'un en face de l'autre sur la table, la feuille était posée au milieu, et ils jouaient ensemble, ce qui fait qu'en fait ils se croisaient, donc la même voix était les deux voix de violon, et ça fait un duo. Donc ça a été hyper exploité par la musique, avec une apothéose avec ce qui est la musique sérielle, c'est-à-dire qu'en gros on va prendre une série de 12 notes qu'on va se donner comme ça, et puis on va faire jouer des groupes de symétrie, des groupes de transposition, et on va voir toutes les séries de 12 notes qui viennent de cette série-là, et à partir de ça, on va se donner des libertés sur la répétition de certaines notes ou sur les rythmes, et on va composer de la musique. Donc ça, c'est aussi tout un mouvement qui va utiliser à l'extrême des symétries de morceaux. Et il y a des mathématiciens ou des gens à l'IRCAM qui analysent les œuvres musicales sous cet angle-là, de leur structure mathématique, quel type de groupe de symétrie et tout ça. Je ne sais pas si ça permet de comprendre mieux la musique, mais en fait, on voit qu'il y a des structures. Et la question, donc on revient finalement à une des questions du départ, c'est est-ce que le fait qu'on découvre qu'il y ait des structures mathématiques derrière ces trucs-là, ça les rend plus beaux ou pas? Ou est-ce que ça révèle quelque chose sur la net? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, on peut se poser ça nous questionne. Voilà. Donc ça, c'est un lien avec les mathématiques. On a parlé des choses qui vibraient, donc ça veut dire que toute la théorie de l'acoustique, doit être comprise. Il faut savoir comment un instrument vibre. Et donc là, le développement des sciences a énormément profité de la compréhension de la corde vibrante. On peut citer des gens comme Marin Mersenne et ainsi de suite qui se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand une corde vibre. Ah, on avait fêté Sophie Germain à l'IHP cette année. Eh bien, Sophie Germain a ce qui se pose la question de savoir comment les surfaces vibrent. Donc finalement, ça, c'est le début de l'acoustique. Et puis, l'aspect de savoir, on parlait de cerveau et tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on perçoit la musique, pourquoi est-ce qu'on va avoir des émotions, pourquoi ça va nous évoquer des choses. Et là, c'est plutôt en lien avec la neurophysique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va balayer, en fait, les sciences des mathématiques jusqu'au cerveau, en passant par la physique et aussi la cosmologie, parce qu'il y a cette harmonie des sphères qui reste entre les deux. Donc ça, c'est pour ça que ça m'intéresse et que je trouve que c'est un bon sujet pour vulgariser un peu toute la science. Alors peut-être pour finir, je vais finir sur deux choses qui sont... parce qu'il faut retourner à l'homme après, parce que finalement, c'est nous qui parlons, c'est de la musique qui est faite par des êtres humains. La musique dont on a parlé, c'est principalement de la musique occidentale, donc c'est aussi très lié à notre culture. Et donc, il faut moi, je pense que souvent, quand vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, ils vous parlent de la musique. Si vous commencez à discuter, qu'est-ce que tu aimes comme musique et tout ça. Vous savez que quelqu'un qui aime la même musique que vous, c'est quelqu'un qui vous ressemble un petit peu, comme d'une certaine façon. Et donc ça, l'humanité ne s'est pas gênée d'essayer de dire aux extraterrestres quelle musique elle aimait. Puisque vous savez qu'en 77, on a lancé 77, je crois, c'est ça. On a lancé la sonde Voyager et à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle le Golden Record, qui était un disque. Donc il y a tout un message pour les extraterrestres et tout ça. Et puis derrière, il y a un disque avec de la musique. Et donc on peut se poser la question, il y a eu un groupe de travail à la NASA, dirigé par Carl Sagan, de savoir quelle musique on envoyait aux extraterrestres. Et donc, alors voilà, quelle musique est-ce que vous enverriez, vous, aux extraterrestres ? On avait fait un épisode sur Voyager. Ah, vous avez déjà fait un épisode sur Voyager ? Vous savez la réponse. D'accord. Alors, il y avait beaucoup de Bach. Il y avait beaucoup de Bach. Bach et médaille d'or, donc il y a trois morceaux de Bach. C'est normal. Ensuite, médaille d'argent, c'est Beethoven. Et après, c'est Mozart. Et puis après, il y a plein de choses. Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'ethnomusique. Il y a des chants, d'Azerbaïdjan, du Pérou, de Nouvelle-Guinée, tout ça. Ce qui est marrant, alors c'est dans un cadre fictionnel, mais on a même imaginé la musique comme moyen de communication dans Rencontre du Troisième Type. Exactement, mon film préféré. D'accord, Rencontre du Troisième Type, exactement. Et c'est ça. Donc là, l'idée dans Rencontre du Troisième Type, c'est que quelque part, c'est le moyen de communication au-delà de tout langage. Et en fait, qui va être utilisé comme vecteur, et en modulant un thème musical qui se répète, on va réussir à coder de l'information et à échanger un langage. Et je trouve que c'est une très belle idée qui va d'ailleurs dans le sens d'envoyer de la musique aux extraterrestres. Alors, il y a un truc qui détonne quand même là-dedans, c'est que tout ça est introduit par un discours du président Jimmy Carter. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi quand les extraterrestres débarquent sur Terre, ils parlent anglais, c'est parce qu'il y a... Il y a un discours du président Jimmy Carter sur le Golden Record, ça c'est le truc. Mais il y a aussi du français dessus. Il y a du français. Il y a une phrase en français qui dit... Il y a une phrase en français, ouais, il y a des phrases... Salut tout le monde. C'est ça, il y a des phrases... qui était un peu bizarre, un peu salut tout le monde, qui était un peu étrange. C'est ça, il y a des phrases de différentes langues pour montrer qu'il y a une diversité des langues, il y a des photos. Bon, c'est un très beau travail. Et il y a un livre qui s'appelle Murmurs of the Earth, je ne sais pas traduit en français, qui a été fait par Sagan et qui explique en fait tout le message et toute la codification et comment on peut le déchiffrer si on est intelligent. D'accord. Il n'y a pas les nombres premiers dessus. Si, il y a des trucs avec les nombres premiers. Il y a une codification des nombres. On apprend les additions. On essaie de faire comprendre aux gens parce que si vous voulez donner, vous pouvez mettre des objets, d'accord, mais il faut savoir quelle taille ils ont. Donc, il faut trouver un étalon universel. Donc, ils partent du principe que la fréquence la plus présente dans l'univers, c'est l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène. Et donc, il y a un truc qui doit vous faire comprendre que c'est l'hydrogène et qu'en gros, à partir de ça, on arrive à expliquer qu'en gros, c'est 1 mètre. Et ainsi de suite. Et donc, parce que en fait, si vous communiquez, il faut donner tous vos codes. Un système d'unité, c'est pas quelque chose d'universel, c'est quelque chose de construit avec les aléas. Ça dépend de la taille de la planète sur laquelle on est, ainsi de suite, et donc de pesanteur historique. Et donc, il faut transmettre aux extraterrestres. On peut pas dire c'est le haut, c'est le bas, ça mesure 2 mètres. Tiens, voilà un être humain qui fait 1 m 80. Voilà l'homme. Tout ça, il faut tout définir à partir de zéro. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et je trouve que la démarche est vachement intéressante sur le. Comment est-ce qu'on peut définir à partir quasiment de rien qui nous sommes nous en tant qu'êtres humains ? Mais ce qui se pose sur la musique et qui se pose un peu aussi sur la vue, sur ce truc de Voyager, c'est pas envisageable qu'ils aient pas de récepteurs à son, à musique, à... Mais probablement, et peut-être ils ont même pas d'oreilles, on en sait, on se voit, ouais, peut-être ça. Ils existent ou Dieu quoi. Peut-être qu'ils existent pas, mais le truc c'est que bon, c'est un peu poétique cette histoire parce que cette sonde elle est sortie du système solaire il y a quoi, il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais, c'est ça. Donc avant qu'elle trouve un endroit où il y ait potentiellement des gens, c'est une chose, et puis maintenant il faut être clair que il y a probablement de la vie ailleurs dans l'univers, ça c'est quasiment sûr. Mais dans les banlieues proches, c'est probablement de la vie microscopique. C'est pas de la vie en surface, ça va être de la vie... Donc si c'est découvert par des amibes, par exemple, à l'échelle, ça va être difficile pour eux de décoder le message. Donc, mais je pense que c'est... Quoi, cette histoire d'extraterrestre, moi, elle me plaît beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on parle aux autres, mais en fait, on parle de soi. Et je pense que c'est exactement ça que fait la musique. C'est-à-dire que, quelque part, on est dans une relation où... En ayant cette notion d'altérité, savoir qui est l'autre, on a plutôt une question sur l'identité, savoir qui on est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être humain ? Et je trouve que c'est vachement important aujourd'hui où les gens ne se posent plus la question, plus beaucoup la question, alors qu'à l'époque où on découvrait l'Amérique, on découvrait des nouveaux continents, des nouveaux peuples, à chaque fois il y avait cette réflexion, c'est des gens qui nous ressemblent mais qui sont différents, est-ce qu'ils sont humains, est-ce qu'ils ne sont pas humains, comment on définit l'humain, et que peut-être ça c'est un discours aussi qu'on a oublié aujourd'hui dans notre société, de savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'on est nous. Et je pense que ça, c'est un bel exemple de telle réflexion qu'on peut avoir. Donc, ça, c'était ma première conclusion. Et la deuxième, c'est juste pour parler aussi d'un truc, de quelqu'un que j'adore, c'est Jean-Luc Nancy, c'est un philosophe français, vivant, hein, contemporain et tout. Et il s'était posé la question de savoir pourquoi on aime la musique. Il avait écrit un petit livre là-dessus. Et j'avais trouvé son explication, je ne sais pas si elle est scientifique, mais en tous les cas, je l'avais trouvée extrêmement belle. Et j'avais envie d'y croire. Et donc, je vais vous la livrer. Il se pose la question de savoir pourquoi on aime la musique. D'accord. Pourquoi vous aimez la musique ? Pourquoi tout le monde aime la musique ? Il y a peut-être un peu de gens, c'est comme le chocolat, il n'y a presque personne qui n'aime pas la musique. D'accord. Et donc, en fait, il se pose la question et il se dit... Donc, il a une vision... Il repart de l'enfance et il se dit, l'enfant, pendant 9 mois, est dans le ventre de sa mère. Donc, vous êtes dans ce liquide amniotique, dans le ventre de votre mère. Et si vous... Donc, il y a très peu de lumière, donc vous ne voyez pas. Peut-être vous avez des lueurs, mais vous ne voyez pas. Mais il semblerait que on peut entendre, d'accord. Et alors on ne sait pas à partir exactement de combien de mois de grossesse est-ce qu'on entend, mais le bébé entend. Et il est clair que quand dans les derniers mois, vous savez que le bébé entend, vous pouvez lui parler, ça bouge, ça réagit. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous entendez. Si je parle à un enfant, en fait, il va entendre ce son qui passe à travers le liquide amniotique, à travers le ventre de la mère. Il entend la voix de la mère, mais de l'intérieur. Donc, quelque part, ces sons sont déformés. Et si vous parlez dans l'eau et que vous écoutez dans l'eau, vous allez vous rendre compte que toutes les fréquences ne vont pas se propager, que vous n'allez pas comprendre les mots, mais vous allez quand même saisir quelque chose. Et ce quelque chose que vous saisissez, c'est la mélodie de la langue, c'est ce qu'on appelle la prosodie. Et donc, en fait... Quelque part, pendant des mois, le seul contact que vous ayez avec quelque chose d'extérieur, c'est la prosodie de la langue de votre environnement, et en particulier de la langue de votre mère. Et en fait, si on se rend compte, si on prend des langues étrangères, elles ont toutes des mélodies différentes, des rythmes différents, des amplitudes différentes, et donc quelque part, elles sont liées à des mélodies différentes. Et donc lui, sa théorie, c'est que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la première chose, la première mémoire que l'on ait d'une sensation, c'est la sensation du son, et qui est rapprochée à la sensation de cette vie que l'on avait avant de naître. Et que quelque part, c'est probablement ce que l'on recherche, en fait, dans la musique, et c'est pour ça que parfois, elle nous évoque des émotions qui sont... on va frissonner, on peut pleurer parfois quand on écoute de la musique, on va avoir peur ou rire, et sans savoir pourquoi. Et que quelque part, c'est quelque chose qui va vous chercher au plus profond de vos premières émotions. Je ne sais pas si c'est vrai, lui-même dit qu'il ne sait pas si c'est vrai, mais moi je trouve que c'est tellement beau que j'ai envie d'y croire, voilà. Ça sera, j'ai envie de partir avec ça pour l'été comme théorie sur pourquoi on aime la musique. Et pourquoi est-ce qu'en finalement on recherche un petit peu cette mémoire de ces premiers instants en fait où on avait une vie intra-utérine. Exactement. Et on a fait, il y a des tests, ça je sais qu'il y a des tests sur la reconnaissance des langues étrangères par les enfants. Mais c'est marrant parce que il y a même des tests. Moi en tant qu'enfant, ma mère m'a dit qu'effectivement ils avaient fait des tests sur moi pour vérifier si j'ai plus à ma langue maternelle qu'à une autre langue. Mm-hmm. Et ma mère dit que je me suis endormi. le mauvais cobaye. C'est peut-être qu'elle te chantait des berceuses et que ça te faisait t'endormir. Je crois qu'il y a même eu des tests de fées où on chante pour voir si un bébé se calme. Alors je pense pas que ça ait été fait de façon assez grande, sérieuse, statistiquement, tout ça, machin, valable et tout, mais de chanter la chanson que le père avait l'habitude de chanter quand le gamin était encore dans le ventre, et puis d'autres chansons, et puis de voir qu'il se calme a priori plus... quand c'est celle qu'il a déjà entendue. Il y a des trucs qui passent, ça, c'est certain. Après, ça voudrait dire que ça pourrait être presque vérifiable en faisant des liens entre les langues et les comptines, parce que c'est les premières musiques qui calment. C'est assez marrant de voir qu'effectivement, les comptines sont plus faciles à appréhender, plus faciles à... On voit bien que les gamins accrochent avec certaines musiques qui nous paraissent les plus simples, qui nous paraissent fades même avec l'âge. Et est-ce que, du coup, de faire un lien entre ça et les langues, voilà, après, expérimentalement, je sais pas. Il y aurait des choses un petit peu à chercher là-dessus. Exactement. Quoi. Mais voilà, je trouve que c'est beau parce que finalement, la prosodie, c'est la chose du langage qui. Voilà, c'est la musique de la langue. Et souvent, on n'en a pas conscience parce qu'on s'intéresse au sens du mot. Mais c'est ça qui est difficile quand on parle une langue étrangère, c'est-à-dire que pour parler anglais comme un anglais ou russe comme un russe, c'est pas simplement de dire les mots et de bien les prononcer, mais c'est aussi d'avoir toutes les intonations. Et c'est ça qui fait qu'on passe aussi pour toutes les fréquences. Et je crois d'ailleurs ça a été étudié, c'est-à-dire le contenu en fréquence, l'amplitude en fréquence de différentes langues. En fait, ça c'est connu. Et je pense que ça joue, c'est-à-dire que si vous êtes dans une langue où vous attendez beaucoup de fréquences et que vous apprenez une autre langue, c'est peut-être plus facile. Alors que si vous avez une langue qui est très monotone, je suis sûr que votre oreille n'est pas éduquée aussi. Voilà. Donc on s'est connu qu'il y a des peuples qui apprennent plus facilement les langues étrangères. Alors est-ce que c'est lié à ça? J'en sais rien, mais probablement. Et les enfants bilingues, moi mes enfants sont bilingues de naissance, parce que leur mère n'était pas française, et... j'ai vu, c'est vrai qu'ils apprennent extrêmement facilement les langues étrangères. Voilà. Donc après, tout ça, c'est l'évolution du cerveau. Hein. Dans l'esprit, en improvisation théâtrale, il y a un exercice qui consiste à faire semblant de parler une langue où tout le jeu, c'est justement de parler uniquement avec les intonations et en faisant des sons qui ressemblent vaguement à la langue en question. Et en effet, on arrive à peu près à communiquer. Alors, tu peux nous faire quelle langue, là? Vas-y, maintenant, tu t'es lancé. Vas-y, allez, non, là. Non, mais j'ai déjà fait l'exercice. C'est terrible parce que on a l'impression d'être horriblement raciste parce qu'on a l'impression de simplifier une langue à l'extrême. J'ai déjà entendu quelqu'un qui a bossé plusieurs mois pour faire ça, ce qu'on appelle un gromelot en français. Donc en gros, il parlait un truc, on avait l'impression d'entendre du français, mais on comprenait rien. Donc c'est très compliqué, mais en fait, c'est là où ça rejoint ce qui est dit, et moi j'ai fait l'exercice, alors j'ai aussi des beaux-parents qui parlent une langue que je ne parle absolument pas, et des fois ils papotent avec leur fille, quoi. Et du coup, je fais l'exercice d'essayer de comprendre ce qu'ils disent. Et je trouve amusant parce que y a des fois, oui, je comprends un peu. Et puis elle est étonnée même, me dire, mais t'as compris? Il fait, oui, vaguement, parce qu'en effet, je vois des réactions, des intonations qu'on reconnaît, en fait, parce qu'on n'est pas tous amorphes. Et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, je trouve. Mais non, je ne ferai pas le grand. Donc vous êtes tous d'accord, on a envie de croire dans cette explication. Voilà. Merci Jean-Luc Nancy. Non, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein. Lisez Jean-Luc Nancy, c'est super. Voilà, c'était un peu décousu, ça allait dans tous les sens, mais c'était juste pour parler de plein de choses qui nous font plaisir. En tout cas, qui me font plaisir, vous n'êtes pas obligé d'écouter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Et puis j'enverrai, on mettra sur le site quelques listes de discographie. Et je pense que c'est pas la peine de faire une transcription de dossier, parce que déjà, juste avec la playlist. Elle a déjà dit non. Non, faut pas faire de transcription. Juste avec la playlist et avec les conseils de lecture, je pense qu'on occupe, la même place qu'avec un dossier habituel. Donc je fais aussi un peu de pub pour les étudiants qui ont travaillé avec Fabien et moi pendant toute l'année dernière. Donc ça, c'était un projet avec les étudiants de la classe d'écriture du Conservatoire de Paris. Donc, des jeunes compositeurs, et puis qu'on avait mis en binôme avec des étudiants en maths et en physique de l'université Pierre et Marie Curie, et on les a fait composer ensemble. Donc tu vas mettre le lien, donc il y a les partitions sur mon site, et puis surtout il y a toutes les œuvres que l'on va pouvoir écouter. Et donc vous allez voir dans les œuvres, il y a des choses très drôles. Donc il y a un truc qui s'appelle Arsanit. Alors ça ne vous dit rien du tout, mais ça c'est parce que vous ne parlez pas Inuktitut. Inuktitut, c'est la langue des Inuits. Arsanit, ça veut dire aurore boréale. Donc c'est, voilà, c'est l'histoire d'un proton depuis le soleil jusqu'à le moment où il va rentrer en collision avec des composants de l'atmosphère pour émettre une belle lumière verte. Donc ça c'est, donc il y a une pièce qui est Biogénèse, donc qui raconte un peu basée sur les théories d'origine de la vie extraterrestre. Il y a un truc qui est très Bach, en fait, qui s'appelle la cantate des planètes, donc qui est vraiment très dans le style, voilà, je fais une cantate, donc sur le côté harmonie des sphères, mais où le style, donc pour montrer l'évolution, en fait, de la structuration de la matière, ça commence dans un style qui est Bach et ça finit dans un style qui est Messien, donc c'est l'évolution du style au long de l'œuvre. Il y en a un que j'adore, c'est Funky Star. Donc ça, c'est vraiment funky, avec un morceau de violoncelle, mais alors extraordinaire, où... ces trois étoiles, donc qui ont trois couleurs différentes, trois personnalités différentes. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter des étoiles. Donc, elle s'est inspirée. Il y a trois chanteuses qui représentent, quoi, deux chanteuses et un chanteur qui représentent des étoiles, et chacun avec sa personnalité. Donc, elles s'engueulent un peu, tout ça. Et c'est merveilleux. Il y a une pièce très mathématique sur les attracteurs étranges. Donc là, c'est vraiment génial. Moment, ça fait un truc qu'on connaît, quoi. Ouais. Alors l'idée, c'était qu'on était parti d'un motif musical et donc qui a été codé. Et ensuite, on peut étudier l'équation logistique en changeant les paramètres. Et donc, pour des paramètres faibles, c'est des motifs qui sont presque identiques. Et pour des paramètres plus grands, on va rentrer dans des régimes chaotiques de l'équation logistique. Et donc là, ça donne un peu. Et donc, il a utilisé ensuite motifs pour créer sa pièce avec des passages dans le chaos, des passages plus déterministes. C'est assez intéressant. C'est plus conceptuel. Il voilà. Y a un truc sur le grand sadique a tout cassé, qui est un très beau poème et qui en fait qui raconte l'histoire d'une personne qui est prise de dépression, en fait, qui jette tout ce qu'il possède par la fenêtre jusqu'à se jeter morceau par morceau lui par la fenêtre, et qui en fait est une façon de décrire la désintégration des particules. Donc c'est voix et percussions. Et au départ, il devait y avoir un morceau de compteur GGR que je devais jouer. Et bon, ça s'est pas fait pour des... Bon, c'est pas grave, mais ça devait être quand même un morceau avec compteur GGR. Je pense que ça aurait été assez intéressant. Il y a un morceau qui s'appelle Métaphore de la lumière qu'il a, et basé simplement sur la notion de dualité onde-corpuscule dans la lumière. Donc avec des aspects percussion, qui est plutôt l'aspect photon, et puis l'aspect plus mélodique qui va être lié à la description ondulatoire de la lumière, où on peut avoir des interférences. Un morceau, comment il s'appelle ce morceau de Schubert là, tam tam tam tam tam tam tam. C'est la musique qu'il y a dans et le pour film, moi, c'est, à chaque fois que je l'entends, j'entends ça. Parce qu'il y a la musique qui fait toum, toum, ouais. Toum, toum, toum, toum. Et derrière, il y a le violon qui fait tin, tin, tin, tin. Ouais. Et à chaque c'est fois, je pense à la dualité en contre-pruscule quand je l'écoute. C'est ça. Et le dernier, que ça, il faut absolument écouter, qui s'appelle Space Time Oddity. Ah. Alors, c'est un space opéra, au sens space opéra du terme. Et donc, il y a des gens qui vont explorer les trous noirs et tout ça, qui tombent dans les trous noirs. Et en fait, il a été composé parce qu'on en parlait le lendemain de la mort de David Bowie. Donc, bien sûr, il y avait Space Oddity, hein, quand même des morceaux emblématiques de David Bowie. Et en fait, on a voulu jouer avec ça. Donc, en fait, on a repris un peu l'idée de... Comment il s'appelle ? C'était Sergeant... Major Tom et Ground Control qui échangent, mais en fait là on est proche d'un trou noir, donc il va y avoir des distorsions des fréquences spatio-temporelles. Donc en fait on se comprend plus très bien, ça va se mélanger, on va tomber dans le trou noir. Et alors, comme l'étudiant qui a écrit ça, Julien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc il a fait un space opéra, il y a des extraterrestres qui débarquent et tout ça, donc c'est hyper drôle. Et voilà, donc c'était aussi un hommage à David Bowie. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait toute l'année dernière avec des étudiants pour essayer de mélanger de plein de façons des inspirations scientifiques et des inspirations musicales. Mais à la fin, on écoute les pièces et parfois on ne sait pas de quoi c'est inspiré si on ne vous le raconte pas, parce que sinon, le but n'était pas de faire de la vulgarisation. Donc tout ça, c'est en ligne, et je fais de la pub pour eux parce que c'est des jeunes compositeurs et tout ça, et qu'on s'est bien amusé ensemble l'année dernière à travailler. Ouais, voilà, mets le lien. Et vous avez même les partitions, pour ceux qui veulent regarder les partitions, il y a tout le livret en fichier PDF sur mon site, et vous pouvez avoir accès aux partitions, aux programmes, aux descriptions des pièces. Et à la donc musique. Le site, c'est, pardon, juste pour les en ligne. Oui. Voilà. De toute façon, vous tapez Jean-Philippe Usan et après. Ouais, mais il faut trouver, parce que mon site est mal fait, parce que je sais pas faire les sites. C'est le troisième. Non, mais c'est juste que je suis feignant, alors je mets tout à la ligne comme ça, mais c'est compliqué, mais donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'est une, voilà, c'est une bonne occasion de parler de musique, de parler un peu de science, de choses et d'autres, sans être focalisé sur un thème. Ouais, bah c'était assez merveilleux, ouais, ma foi. Très bel épisode de vacances. Il y a la... Ouais, je pense qu'on n'a pas de questions. Les auditeurs sont allés se coucher au bout d'un moment, mais ont tous dit il va falloir que je l'écoute, réécoute. Mais il va nous rester la citation, et puis... Il va nous rester la citation et puis on pourra conclure la saison en beauté. Est-ce que tu as ramené une citation du coup ? Moi, il fallait que je ramène une citation. Ah oui. Et Platon, pas de Platon. Hein. C'est déjà fait, Platon. Frank Zappa, elle était géniale, ma citation de Frank Zappa, non ? Ça suffisait quoi, pas. Qu'on la redise. La citation de Frank Zappa, c'était quoi ? Alors attends, il faut que je retrouve ça parce que je ne l'ai pas sous les yeux. C'est la saison 6. Elle est en phase avec Game of Thrones, les gars. C'est super. Au passage, pendant donc, pas l'épisode où je meurs, c'est pas l'épisode. Au passage, pendant la réflexion, du coup, le prochain épisode avec toi, on le fait à l'Institut Henri Poincaré. Ah oui, oui, alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens. J'aimerais bien qu'on fasse un épisode à l'Institut. Nous aussi, voire même qu'on fasse visiter à des auditeurs. Et j'aimerais bien qu'on fasse un truc peut-être autour de la collection de modèles mathématiques. Grave. Donc ça serait intéressant. C'est hyper radiophonique en plus. C'est hyper radiophonique. Voilà. Alors, il y a plein d'occasions pour ça, puisque l'année prochaine, 2017, nous fêterons le centenaire de la mort de Gaston Darboux, mathématicien que personne ne connaît, mais vous faites Google Gaston Darboux. Non, mais c'est très bien d'en parler. Donc, il faut savoir qu'à l'Institut Henri Poincaré, il y a un amphithéâtre Darboux, donc ça veut dire que c'est probablement un mathématicien qui a un lien avec l'Institut. Qui a été un des grands contributeurs de la collection de modèles mathématiques de l'Institut. Et donc l'année prochaine, on va l'honorer. Et donc il y aura tout un travail autour de ces modèles mathématiques. On est en train de composer un livre collectif avec beaucoup de photos et qui explique un peu ce que sont ces modèles mathématiques, comment ils ont inspiré des artistes comme Man Ray, Max Ernst et d'autres, et beaucoup de surréalistes. Et puis il y aura plein d'activités. Et en particulier, il y a des compositeurs qui ont voulu se commencer à créer des chorégraphies et de la musique à partir de ces modèles. Donc peut-être qu'on pourra les écouter aussi, je ne sais pas. Bah, on a déjà les auditeurs encore présents qui veulent que ce soit en public absolument pour venir. Ah bah, volontiers, on peut faire une séance publique. Yes. On peut faire une séance c'est publique. Bon, c'est signé alors. D'accord. Et en fait, il faut savoir que... Non mais ça tombe tout à fait à pic parce qu'il y a la semaine dernière, notre responsable de la bibliothèque, Alexandra Mirich, me disait « J'aimerais bien que de temps en temps, on ouvre l'Institut pour faire des lectures, donc pour recevoir les gens et pour lire peut-être des textes plus littéraires mais de mathématiciens ou de physiciens. » Il y avait eu un truc récemment autour de Grothendieck à l'École Normale Supérieure. Et Poincaré a écrit des textes aussi bien de philosophie. Il y a pas mal de gens qui ont écrit des choses que l'on peut lire. Et elle avait cette envie-là. Et en fait, on peut se dire qu'on peut se faire une petite soirée à la bibliothèque avec quelques personnes intéressées. Il faudra qu'on voit comment on s'organise, comment on fait ça. Mais je pense qu'on est ouvert de vous faire visiter l'Institut et de vous accueillir à l'Institut. Ça va être sympa, ça. C'est une bonne idée, ouais. Voilà. Ok, ok. Alors... donc la citation, c'est qui c'est qui traduit en même temps que je lis ou on va traduire après. Everything in the universe is. Ah, c'est ça commence après. Il y a trois petits points. Alors chaque chose dans l'univers est. Is. Est. Is made of one element. Est fait d'un seul élément. Which is a note. Qui est une note. A single note. Une note unique. Atoms are really vibrations. Les atomes sont des vibrations. You know, which are extension of the big note. Vous savez, qui sont des extensions de cette grosse, grande note. On dit big note en français aussi. Everything's one note. Tout est une seule note. Everything, even the ponies. Tout, même les poneys. The note, however, is the ultimate power. But see, the pigs don't know that. The ponies don't know that. Tout est fait d'une seule note et les vibrations ne sont que... The note, however, is the ultimate power. Ah, pardon. Cette note est d'un pouvoir ultime, mais voyez-vous, les cochons ne le savent pas et les poneys ne le savent pas. Voilà, Frank Zappa. Spider. C'est Spider qui dit ça dans The Big Note. Voilà. Je pense que c'est bien de finir sur Frank Zappa. Ouais, ça me paraît. Pour partir en vacances. D'accord. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Voilà. notre combi Volkswagen, nos planches de surf et on part en vacances maintenant. Ouais, bah sur ce là-dessus, merveilleux. On va conclure. Donc, comme la saison précédente, vous avez tout l'été pour écouter Jean-Philippe Puzan en aller en retour en voiture avec vos enfants. Voilà, et tout merci ce qu'il à faut. Tous. C'était une super soirée. En tous les cas, moi, pour moi, c'est une bonne soirée. Et donc, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que comme pour Game of Thrones, vous allez avoir plusieurs jours sans épisode. À patienter. Donc la saison 6 clôture, on reprend à la rentrée, on ne sait pas à quelle date, on ne sait pas avec quoi pour la saison 7, ma foi. Et sur, puis sur notre page Facebook, voilà. Si vous voulez savoir. Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur vous pouvez vous abonner sur iTunes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient encore sur iTunes. Je ne savais pas que ça existait encore. J'ai aperçu ça. Donc, coucou aux gens qui commentent sur iTunes, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir sur les autres réseaux où on est un peu plus présent pour vous répondre. Et puis voilà, passez un bon été, amusez-vous bien, et que d'ici là, ma foi, que servir la science soit votre joie. Servir la science de notre joie. Ouais, on va parler de glace, j'adore Philippe Glass. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, pendant la nuit blanche... C'est quoi? C'est au mois d'octobre. Il y a une... Et j'y serai, donc venez, c'est génial si on y va tous. Il va y avoir une nocturne entière à la Philharmonie. Ça commence, je crois que c'est un samedi soir. Et ils vont jouer tout Philippe Glass en continu à la Philharmonie. Ça commence à 7h du soir et ça finit à 7h du matin. Et donc, ça va être grandiose. Pour ceux qui aiment Philippe Glass. Ça va être très, très chaud pour ne pas s'endormir quand même. Parce que Philippe Glass, moi, je ne connais pas très bien, mais de ce que je connais, Ils vont jouer l'intégralité de Philippe Glass. C'est répétitif et pas du tout dissonant. Donc, c'est ce qu'il y a exactement de mieux pour s'endormir. C'est ça. D'accord. Et ils vont passer le film aussi qui s'appelle Sleep. Je ne sais pas si vous connaissez Sleep. C'est un homme qui dort et c'est un film qui dure 10 heures aussi, qui a été fait, je crois, c'est Andy Warhol qui a fait ce film, ouais. Et donc avec aussi de la musique dessus. Et donc, on peut faire le concours de savoir celui qui pourra tenir le plus longtemps dans le film Sleep. En tous les cas, moi, j'irai. Donc, s'il y en a qui veulent venir, on pourra discuter. Ça va être génial. Et surtout, c'est ouvert au public gratuitement, parce que c'est la nuit blanche, donc il n'y a pas besoin de réserver ou quoi que ce soit. Oh non, à 3h du matin, il n'y aura pas la queue. Philharmonie de Paris. C'est à Paris. Philharmonie de Paris, excusez-nous. Voilà.